The Radio Club. Yeah. Philip Thorne. Auteur Leg. The Radio Club. .com. Et ben voilà. Madame, mademoiselle, monsieur. Rire. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Bon, départ à l'américaine, Las Vegas, ah, ouais, tout ça, c'est bien, non? C'est british, Las Vegas. Ouais, on voyage dans le Radio Club. Ah, c'est clair. On fait pas les choses à moitié. Non. Bon, Philip Thorne, bonjour. Bonjour, Arthur Legg. Bon, comment ça va bien? Bah, ça va très bien. Ce mois-ci, c'est bien passé parce qu'on s'est vu le mois dernier. On a fait une émission hommage à Didier Sinclair. Oui, il y a eu des jours fériés, il y a eu des courtes semaines. Ouais, des courtes semaines, des petits week-ends, non? Des petits week-ends, pas trop. Ah oui. Acapulco. Non, on est parti en Laponie. Ah, ouais. Très bien. Ouais, ouais, parfait. Sympa. Et Dinard, voilà. T'as vu le Père Noël ou pas? On est à croiser le Père Noël. Bon, il est en vacances avec des blondes, des putes et de la coke, non? On est en rupture de stock concernant. Du Père Noël ou des putes et de la coke? Et le Père Noël, on en avait des centaines. Bon, en tout cas, on espère que tu as la forme parce que je crois que notre invité d'aujourd'hui, il rigole pas. Hein, ça il fait est une forme, semaine qu'il envoie des textos, qu'il envoie toute son équipe qui travaille avec lui pour aller chercher des disques, pour aller chercher des anecdotes. Et bon, voilà, on va l'accueillir parce qu'il trépigne d'impatience et nous aussi. Une équipe d'assistants. Ouais, c'est ça, exactement. Je vous demande d'accueillir monsieur Valéry Zetoun. Bonjour Valérie. Bienvenue. Tu sais quoi, ça nous fait plaisir que tu sois là. Mais moi ça me fait très plaisir d'être là. Je crois qu'on a kiffé. En plus je suis venu à pied, donc c'est formidable, il fait beau. C'est sur Paris, parce que apparemment dans le sud il fait mauvais. Ouais, mais ça c'est bien fait pour eux. Voilà, parce que d'habitude c'est le contraire. Il cratera la l'air. Bah, j'espère que la semaine prochaine il fait beau dans le sud, c'est juste un petit message personnel. Ouais, comme ça. Mais il fait pas beau dans le sud aujourd'hui, le mec. En tout cas, sois le bienvenu Valérie, dans la chambre de Bonne, 9 mètres carrés. Voilà. On t'a pas menti. Écoute, c'est bien parce qu'on rentre finalement, on est 5 dedans. Donc ouais. C'est bien. Ouais, parce qu'aujourd'hui on a un community manager, les mecs. Ah, exactement. Pas Maxime, merci d'être là, mon vieux. Voilà. T'auras peut-être une prime si t'es gentil. Et puis alors, toi aussi, t'es venu avec une équipe de dingue. Une équipe de dingue, il est seul, même s'il fait 1m90 et qu'il pèse 12 kilos. Mais bon, il travaille avec moi depuis quelques temps maintenant à l'artistique. Il s'appelle Barthélémy Fatus. Il a une culture musicale très impressionnante, notamment sur la chanson française. C'est d'ailleurs pour ça que je l'ai engagé. Ouais. Et puis surtout, il a fait. Parce que t'avais du mal avec les chanteurs. Et ouais, j'y arrive pas. Moi, je suis resté scotché à Dalida. Et tu connaissais quand même Johnny Hallyday, Dutron, tous ces mecs-là. Johnny qui? Johnny Hall. C'est sûr que c'est son nom. Non, et en plus, surtout, il a fait des grandes études de musicales. Ouais. Et donc, quand il parle de musique avec un artiste, bah, il sait de quoi il parle, le gamin. Ouais. Donc, ça m'aide. Clair. C'est bien. Je trouve qu'il faut revenir à des directeurs artistiques qui eux-mêmes ont fait de la musique, qui savent lire une partition et qui savent parler de musique. Je commence demain, Valérie. Voilà. Ouais. Prendre l'écriture. Valérie Zetoun, producteur, homme de médias, parce que t'as fait de la radio, t'as fait de la télévision, M6, Popstar, tout ça. Ouais. Bon, t'es content d'avoir fait ça? Oui, je me suis éclaté. Ouais, tu t'es éclaté. Bah, je veux pas te dire non, c'était horrible. C'était quoi, pour gagner de la notoriété ou... Non, alors d'abord, c'est parti d'un affreux chantage que mon patron de l'époque m'avait fait. Ouais. Puisque je voulais mon label, j'ai passé la plus grosse partie de ma carrière en majeur chez Universal. Mmh. Et j'étais directeur marketing promo, je crois, de Polydor. Et je voulais mon label, comme tous les gens qui sont numéro 2 et qui ont envie de devenir numéro 1 un jour. Et c'était Popstar. Donc il y avait eu la première saison avec Santi. Mmh. Et M6 voulait changer de jury. Et Santi qui faisait partie d'un groupe de musique, je crois. C'était le batteur mythique de la Mano Negra. Mano Negra, ouais. Et M6 décide de changer de jury pour la saison 2. Mmh. Et comme moi, j'allais en permanence les voir pour faire la promo de mes artistes, etc. Ils me connaissaient depuis 15 ans, donc ils ont dit on veut Valérie. Sauf que moi, au départ, j'ai refusé. J'avais pas envie d'être à la télé. Je me disais, moi, je fais un métier d'ombre, je veux rester dans l'ombre, ça me fait chier, j'ai pas envie. Et puis, mon président de l'époque m'a fait cet audio chantage de me dire, si tu fais Popstar, je te donne ton label. Donc, j'ai fait Popstar. La même année, j'ai fait Popstar et on a créé AZ cette année-là. C'est donc en 2002. Voilà. AZ qui avait déjà existé auparavant. Oui, qui avait existé, qui était le label mythique de Christophe et de bien d'autres artistes, et dont le logo était une tour Eiffel à l'époque, dans les années 60. Puis après, c'est devenu le label d'Europe 1. Bon, vous l'avez compris, l'invité d'aujourd'hui, donc Valérie Zetoun, a 10 milliards de choses à dire. C'est une encyclopédie. On le lance sur 2-3 trucs qu'il a fait et c'est parti pendant une demi-heure. Mais c'est très bien comme ça. On prévient, il n'y aura pas de pub aujourd'hui. T'es producteur de musique live, on peut dire aussi. Tout, ouais, c'est tout. Toi qui as fait la tournée des vieilles canailles. On a créer, imaginer, conceptualiser, oui, la tournée des vieilles canailles. Et on a surtout, j'ai réussi à l'époque à les convaincre. Ouais. C'était pas. Donc on le rappelle, il y avait Johnny Hallyday, Johnny, Eddie Mitchell et Jacques Dutronc. Est-ce que l'idée t'est venue au départ avec cette chanson d'Eddie Mitchell et Gainsbourg, je crois qu'il est. Non, ça c'est le titre. Ça m'a donné le titre. Ouais. En fait, quand ils m'ont dit oui et que j'avais ce concept, même avant qu'ils me disent oui, j'avais ce concept et je me dis mais merde, comment je vais appeler ce truc-là. Parce que t'as le concept mais pas le nom. Johnny, Eddie, Jacques, ok, ouais. Mais le nom dans un spectacle, ça fait souvent quand c'est plusieurs artistes, bon, quand c'est un mono-artiste, on en dit non, mais il y a un concept. Et là, je réécoute un peu tout ça, et je retombe sur le duo entre Gainsbourg et Eddie, et je me dis, évidence, je me dis, bon sang, mais c'est bien sûr, d'autant plus que c'est la quatrième vieille canaille qui aurait dû, s'il avait été là, être sur scène avec eux. C'était la logique totale de l'histoire. Donc je me dis, putain, c'est génial. D'ailleurs, je l'ai déposé, le nom, il m'appartient en tout cas pour tout ce qui est spectacle. Ouais. Et l'idée, elle est venue par rapport à la musique que j'aime au départ et par rapport au Rat Pack, à Frank Sinatra, à Dean Martin, à Sammy Davis, à toute cette Amérique des années 50, 40, 50, 60 qui m'a fait rêver en fait. Et cette idée-là, elle vient où un soir, en fait, je te vois emmerdé parce qu'il y a un petit Larsen. Hein. Ouais, il y a un petit Larsen, je sais pas d'où ça vient, mais c'est pas grave. On va envoyer le directeur technique, c'est pas grave. Ouais, et donc un soir, à l'époque, je m'occupais de Sardou, on dîne avec Eddie dans un resto, on est tous les trois, et il commence à se raconter des histoires de dingue parce que c'est des artistes qui ont 40, 50 ans de carrière. Et alors comment ça se passe? Juste une petite question à côté. Quand tu dînes avec Michel Sardou et Eddie Mitchell dans un restaurant, bien, c'est super. Y a pas 50 000 groupies qui arrivent? Non, il y a personne. Attends, et puis on y va en discrétion. Et ouais. Puis de toute façon, ils ne se comportent pas en star dans la rue. Non, j'ai rien à foutre. Ils sont passés à autre chose. Non, mais bon, j'ai juste dîné avec Michel Sardou. Non, mais bah, c'est mon métier Michel, aussi. Mais c'est mon métier. Si c'était pas mon métier, je ne raconterais pas comme ça. Mais et puis ils racontent des histoires avec Johnny, racontent des trucs. Et moi je prends un pied pas possible parce que je fais ce métier par amour des artistes et par amour de la musique. Et puis en sortant de là, je rentre chez moi et je me dis mais merde, on a quand même en France, on n'a rien à envier aux Américains au niveau des stars qu'on a. On a nos propres stars, nous aussi. On n'est pas. Il y a des pays où ils ont que les stars anglo-saxonnes. Nous on a notre culture. Et puis je commence à réfléchir à ce truc et puis cette idée vient comme ça. À un moment donné, je me dis il faut essayer de réunir Johnny, Eddie et Jacques, parce que Jacques amène un côté un peu plus, on va dire un peu plus un rock Télérama. Ouais, hein. Ouais. Jacques, il est moins populaire au sens premier du terme que Johnny, mais il ramène un équilibre. Je dirais que Johnny va être à droite, Eddie au centre et Jacques un peu plus à gauche. Ouais. Donc les trois, on couvre tout le panel français possible et imaginable. Et puis bon, c'est trois mecs géniaux, quoi. C'est clair. On y reviendra de toute façon sur ce concert. Johnny, Eddie et plus Jacques, c'est énorme. Quand même. Vous avez fait combien de concerts? Alors on a fait une première salve de concerts en 2014. On en a fait 6, Cybercy. Et puis et une deuxième en 2017 où on a fait 17 dates, je crois. 18 dates, 17 ou 18, je sais plus. D'accord. Et il était prévu d'en refaire plein d'autres? Non, ou... non. En fait, la deuxième fois, c'est Johnny qui a voulu le faire. Et je ne sais pas s'il a senti ou pas qu'il lui arriverait malheureusement ce qui lui est arrivé, mais il a appelé. C'est lui qui a appelé Eddie en lui disant je veux refaire les vieilles canailles et on n'a pas fait la province. Et il faut absolument qu'on aille faire la province pour remercier nos fans en province. Donc c'est son manager qui m'a appelé un jour en me disant écoute, Johnny veut refaire la tournée. Donc j'ai dit super, c'était un plaisir en plus. Et puis la première fois, il y avait que 6 dates, c'était que Paris, c'est pas pareil. On a appris 2 ou 3 mois après sa décision qu'il était malade. Et moi, j'ai cru qu'il allait annuler, et pas du tout. Il a dit non, je maintiens et je veux le faire. Et il nous a donné une leçon de vie sur ce concert. Il faut savoir qu'il y a il y avait les meilleurs dans tous les domaines, hein, des Rodis jusqu'au son, aux lumières, etc. C'est mon pote Roverolis que j'embrasse. Il y avait les meilleurs, que des gens qui avaient minimum 30 ans de carrière. Oui. On était tous les soirs où Johnny montait sur cette scène, on était tous bluffés. Et à chaque fin de concert, moi j'étais souvent à la console, parce que c'est de là où j'aime être pour regarder et que le son est le meilleur. Et tous les soirs, je me disais, mais ce mec est en train de nous donner pas une leçon artistique, là il nous donne une leçon de vie. Il a 75 piges, il a une maladie terrible, et tous les soirs, il y va, et il va chercher, et il va voir son public, et il va remercier son public. Humainement, c'est quelque chose de tellement fort, tu te le prends vraiment. Et puis chaque fois que je le raconte, et je l'ai raconté souvent, à chaque fois j'ai une grosse émotion, parce que moi je l'ai vu de l'intérieur, j'ai vu comment il s'est comporté, j'ai vu comment il a fait face. Franchement, il a regardé la mort en face, le mec. C'est vraiment, il n'est pas que couillu sur la scène avec ses blousons en cuir. Il a été à la hauteur de l'homme, a été à la hauteur de l'artiste qu'il a été. Donc les concerts, vous avez arrêté quand pour faire juste la différence entre l'arrêt des concerts et le décès de Écoute, le dernier concert, je crois que c'était le 4 juillet à Carcassonne, si mes souvenirs ne me font pas défaut. Mm-hmm. Et il est parti fin novembre ou début décembre, ouais. Je sais plus, un truc comme ça. Ouais, donc 4 mois, 6 mois avant, quoi. 6 mois avant. Bon, bah très bien, bah écoute, on est là jusqu'à on ne sait pas quelle heure. On démarre avec une histoire de dingue. Oui, on démarre avec. Démarre très fort. Mais le monsieur a plein de choses à raconter. Valérie Zetoun, producteur, directeur de label. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Homme de médias, télé et radio. Tu as commencé à la radio à Skyrock, je crois. Ouais, c'était à Sky. Dans le forum des Halles. Exactement. Moi, j'étais un cancre, comme beaucoup. Enfin, un cancre. J'étais nul en maths. Donc j'ai pas réussi à avoir mon bac à cause des maths. J'étais bon en philo, j'étais bon en français, en histoire. Je passe une année d'histoire, mais les maths ça me prenait la tête. Donc j'ai pas eu le bac. Et puis il y avait une école de radio à l'époque qui était à Chatou dans les Yvelines. Ah oui. Et c'était une école parrainée par Europe 1. Donc on avait, alors les plus jeunes ne s'en souviendront pas, mais il y avait des cours donnés par Harold Kay qui était une des grandes voix d'Europe 1. Il y avait tous les gars d'Europe 1 des années 80-90. Alors t'avais tu faisais ton étude là, et à la fin de l'année, t'avais un stage. Donc tout le monde se battait pour avoir RTL, France Inter, Europe. Et il y avait, moi je connaissais La Voix du Lézard, j'écoutais, et je savais que La Voix du Lézard allait changer avec Skyrock. Et il y avait un stage à Skyrock. Et moi, les mecs, ils se battaient pour les grandes ondes. Les et moi je dis non, moi je veux aller à Skyrock. Et tout le monde me disait, mais c'est parce qu'à l'époque, Sky, c'était pas ce que c'est aujourd'hui. Ouais, bon. Sauf qu'il me disait, mais pourquoi je veux aller là-bas? Je dis, mais il y a la plus grande discothèque de rock d'Europe, ils avaient des merveilles dans ce... et je le savais, on me l'avait dit, moi j'étais jamais foutu les pieds, et donc je me retrouve stagiaire, j'arrive le premier jour et je tombe sur Malher, que je salue, qui est maintenant, qui vit en Asie à Bangkok on l'embrasse bien fort qui était la star de Sky. Malher, ça a été, pour ceux qui ne connaissent pas, ça a été une des grandes stars de la radio c'est FM, c'est lui qui a démarré les talk shows le soir sur Skyrock, bien avant Loving Fun et compagnie. Exactement. Et donc il a fait Bonsoir la planète. Voilà. Franchement, c'est un personnage. Il a fait le morning aussi. C'est ça. Chose, alors, moi, j'étais son porte-café au morning. Ouais, et coco, puis, ma poule, alors. C'est ça, c'est ça. Donc, j'étais son porte-café au morning. Et puis après, j'enchaînais avec Didier Hervé, qui s'appelait Léo de Hurlevent à l'époque à l'antenne. Uh-huh. Et donc, je me souviens, c'était au mois de juillet. Et au mois d'août, ils me disent, mais si tu veux, y a le directeur d'antenne de l'époque me dit, mais si tu veux, on peut te filer une tranche, minuit 7h du matin. C'est comme ça qu'on démarre à la radio. Super. Bah, bienvenue au club, on a tous démarré comme matin. Ça. Je crois qu'il y avait que ma mère qui m'écoutait. Et je me rappelle, je démarrais toujours par ACDC, Highway to Hell. Et il y avait à l'époque 4 disques imposés par heure. C'est-à-dire que tu étais obligé de mettre 4 disques parce que Bounod, qui est toujours là d'ailleurs, qui est le patron de la programmation de Sky depuis toutes ces années, démarrait ses relations avec les maisons de disques. Donc à l'époque, c'est lui qui courait après les maisons de disques. Maintenant, c'est l'inverse. Mais à l'époque, c'est lui. Et alors, c'était. Il y avait Stéphanie de Monaco, je me souviens, c'est Ouragan. Voilà. Et donc moi, la nuit, je mettais pas tout ça, je mettais mais des trucs de rock, de si, je m'éclatais. Comment ça, tu ne respectais pas les 4 10 par heure? J'attendais les deux dernières heures pour les fourguer. Et puis un jour, je sais pas, je fais une vanne, il me semble que j'ai dit et on retrouve Stéphane Sniff de Monacoc, l'héroïne d'Ouragan. Bon. Et là, Bounou arrive furieux, en m'engueulant, en me disant t'es vraiment un con, ça fait une semaine que j'essaye d'avoir une OP avec Sony pour envoyer des auditeurs je sais pas quoi à Monaco, qu'est-ce que tu veux à me raconter? Oh putain, j'ai fermé ma gueule, j'ai dit ok, okay, mais j'ai frappé. C'était l'époque, l'âge d'or de la FM où les animateurs ne faisaient pas que donner la météo. Ouais, il y avait une vraie personnalité. Il fallait que t'aies une personnalité, que tu saches raconter des trucs. Voilà, c'était ou alors tu dégageais. Et d'ailleurs, c'est ces radios-là, Sky, Energy, etc., qui ont fourni beaucoup d'animateurs ensuite en télé, parce que les mecs étaient très bons en radio, donc la télé venait chercher. Ouais, venait c'était les chercher un réservoir. En radio. Ouais. Oui. Arthur, par exemple, a explosé sur Sky, ensuite il est parti à Europe 1, voilà. Il a fait plein de choses, et il a commencé TF1, un vendredi soir à 23h, l'animateur le plus con de la FM. C'est ça. Et il a fait, il a connu après la carrière qu'il a connu, donc c'est vrai que la FM a été un vivier important pour la télé. Bon, bah vous l'avez compris, hein, cette émission elle va être haute en couleurs, en anecdotes, avec le parcours qu'a Valérie Zetoun, notre invité aujourd'hui. Il y a plein de choses, il a fait plein de choses. Si on y allait dans le vif du sujet, parce que le but de l'émission, c'est évidemment un invité qui vient avec sa pile de disques avec lesquels il partirait sur une île déserte et les anecdotes qui vont avec. Et alors toi, t'es pas arrivé avec une pile, t'es arrivé avec un camion. Un camion de disques, un camion d'anecdotes. 3-4 livraisons, je crois, pour l'ensemble de sa playlist. Exactement. Et alors le premier disque, on t'a dit, fais gaffe, le premier disque et le dernier, c'est emblématique, c'est comme ça que les gens vont comprendre qui tu es un peu. Et tu m'as dit, je sais pas moi, et au début de la semaine tu m'as dit, putain tu me fais chier, j'arrive pas, il faut que je passe 500 disques. Non, on peut pas passer 500 disques, ou alors on paye 3 jours d'émission, pourquoi pas, mais c'est un concept, et tu m'as dit, bon ok d'accord, je vais réfléchir, et t'es arrivé aujourd'hui, tu dis, je sais. Non, je sais, oui, parce que c'est ce qui a été déclencheur de tout. C'est ce qui est déclencheur de tout, c'est ce qui est mon ADN musical, et c'est pas uniquement musical, c'est mon ADN de vie. Alors on parle parcours de vie. De Frank Sinatra et on enchaînera après avec Dean Martin. Pourquoi Frank Sinatra et pourquoi Dean Martin? Tu m'as dit au téléphone un truc, toi, qui m'a interpellé. Tu m'as dit, on peut parler de tout. Le seul truc dont on s'interdit de parler, c'est de politique. Moi, je ne vais pas parler de politique au sens gauche-droite, ça, j'en ai rien à foutre. Ils sont... la musique, il faut savoir que les grandes stars ont fait avancer les grandes causes. Oui, bien sûr. On le verra, on le racontera tout à l'heure peut-être avec Ray Charles ou avec Nina Simone, qui était une grande féministe. Ray Charles qui a vécu de plein fouet et qui s'est battu contre le racisme anti-noir aux États-Unis. Sinatra était le premier à le faire, faut le savoir. Dans les années 60, Sinatra est très proche d'un mafieux qui s'appelle Sam Giancana, qui est le patron du Sands Hotel, qui est à Las Vegas. Las Vegas est en plein essor, il y a beaucoup d'argent en jeu, et Sam Giancana appelle Sinatra et lui dit, écoute, il me faut un spectacle qui cartonne pour mon hôtel, parce que il y a les autres, les concurrents qui ont acheté l'hôtel d'en face, moi je veux que tu me sortes un show qui défonce tout le monde. Et Sinatra réfléchit, lui dit ok. Il avait 3% du casino, Sinatra. Il lui avait donné, c'est beaucoup 3% d'un casino aux États-Unis quand on est chanteur à cette époque. Hein. Et Sinatra rappelle Sam Giancana, il lui dit, écoute, j'ai un concept. On va appeler ça le Rat Pack. Et je vais inviter Dean Martin, Sammy Davis Jr., Joe Bishop et le beau-frère du président américain John Fitzgerald Kennedy. Et à 5, on va faire un show. Mais il lui dit, j'ai qu'un problème, c'est que Sammy Davis est noir. Les noirs n'ont pas le droit de rentrer dans les casinos. Et les artistes rentrent par les cuisines. Et Sam Giancana lui dit, écoute-moi bien, j'en ai rien à foutre. Tu viens avec qui tu veux, tu mets qui tu veux sur cette putain de scène. Et Sammy Davis, quand il rentrera dans le casino, il rentrera par la grande porte et il ira et il montera sur scène et j'en ai rien à branler de la ségrégation. Donc, c'est un artiste et un mafieux qui, quelque part, casse les premiers, les codes de la ségrégation aux États-Unis. C'est parmi les premiers. Donc, c'est en ça que la musique et les grands artistes peuvent faire avancer plus les causes que n'importe quel député de base ou président de mes deux. Ouais, voilà. C'est une leçon de dingue. Et ça, voilà. Quand t'as découvert ce truc-là, tu t'es dit, mais putain, la force. Ils sont fascinants parce que leurs parents ne parlent pas italien. Il y a cette scène dans Le Parrain. Je sais pas si vous vous souvenez, Parrain 1. Il est petit, il part, il se sauve de Corleone, et il arrive par le bateau. Et il a 9 ans, il parle pas du tout anglais. Et le douanier lui dit, tu t'appelles comment? Et lui, il comprend, tu viens d'où? Et il dit Corleone. Et donc on l'appelle Don Corleone. Ce mec-là, cette scène-là, c'est le père de Frank Sinatra et Dean Martin. Ces gens-là sont venus des petits villages d'Italie, ils étaient dans la misère, ils arrivent dans le Nouveau Monde, ils parlent pas un mot de français. Les deux mecs-là, leur fils, 25 ans ou 30 ans après, ils incarnent l'Amérique. Je sais pas si vous vous rendez compte de l'impact du show business américain de l'époque. Comme quoi, tout est possible aux États-Unis. Exactement. Et donc, on en vient à ton premier morceau. Voilà, c'est un hommage de Sinatra à Chicago. Ça s'appelle My Kind of Town. Et on écoute le Radio Club avec Philippe Thorne. Au platine. Au platine. Au star. Et notre invité aujourd'hui, Valérie Zitoun. Ouais, restez là, changez rien. Et on se pose un peu. Ouais. Now this could only happen to a guy like me, and only happen in a town like this. So may I say to each of you most gratefully, as I throw each one of you a kiss, this is my kind of town. Chicago is my kind of town. Chicago is my kind of people too. People who smile at you, and each time I roam, Chicago is calling me home. Chicago is why I just grin like a clown. It's my kind of town. Chicago is my kind of town. Chicago is my kind of razzmatazz, and it has all that jazz. And each time I leave, Chicago is tugging leave. Chicago is the Wrigley Building. Chicago is the Union Stockyard. Chicago is one town that won't let you down. It's my Club. The Radio Club. You're nobody till somebody loves you. You're nobody till somebody cares. You may be king, you may possess the world's and it's gold. But gold won't bring you happiness when you're growing old. The world still is the same, you never change it. As sure as the stars shine above, you're nobody till somebody loves you. So find yourself somebody to love. Same, you never change it. As sure as the stars shine above, well, you're nobody till somebody loves you. So find yourself somebody to love. Et ben voilà. C'est des formats de 2 minutes 13. Hein. Ah oui, non, mais on est total au point. Spotify, non, mais oui, parce vinyle, machin. Vous aimez l'électro, c'est il y a 25 minutes. Ah l'intro ah fait 25 minutes. Ouais, on s'est pas arrêté qu'à l'électro, Valérie, je te rassure. On n'écoute que du 16 minutes. Donc à l'instant, j'ai... Et c'était Dean Martin. Deux minutes 13, ça passe, mais très très vite. Oui, mais quels arrangements, franchement. Ah, on en parlait, c'est pour ça. On était en train de parler de plein de choses, évidemment. Pardon de te couper, mais derrière Dean Martin, mine de rien, là, ce petit titre de 2 minutes 16, il y a 50 musiciens qui jouent tous des tueurs. Et il faut conduire, ça se pilote comme un gros bateau de croisière. Il faut qu'on. Bon, et puis la star d'une des stars de l'époque, c'était Cambesi, qui était au piano, lui jazzman très connu, et qui avait pareil ses 50 musiciens, et qui a énormément chanté, enfin joué pour Frank Sinatra. S'il y en a qui s'appelait, il faut aller acheter les albums Frank Sinatra avec Cambesi, parce que là c'est les meilleurs orchestres. Oui, il a été directeur d'orchestre pour Cambesi. Jouait avec non, mais parce qu'avant on parlait de notre ami Quincy Jones qui lui a été. Oui, ça c'est autre chose. Voilà. Le titre a été enregistré. Mais il a travaillé aussi avec Quincy, Frankie. Et le titre qu'on vient d'écouter de Dean Martin a été pris en une prise seulement, hein, ouais. Les garçons. Hein. Ah oui, oui, oui. Ah oui, oui. Dans les frais. Alors je vais te dire, alors parce que Frank Sinatra, évidemment, c'est le plus connu, c'est le. On va dire. Mais Dean Martin est beaucoup plus, encore plus intéressant comme personnage. Il faut savoir que Dean Martin, il a démarré en duo avec Jerry Lewis. Ils avaient un duo de comiques. Jerry Lewis faisait rire, Dino chantait. Donc les deux ont explosé. Au départ, ils étaient dans des petits club pas plus grand que la chambre de bonne. Ici, hein, bon. et ils se séparent. Et en 56, Dean Martin a son premier show télé. Et c'était un show télé où il y avait des duos, des trios. Il recevait les gens. Et il ne venait jamais répéter. D'accord. Il répétait pas. Non. Mais quand il arrivait, donc il y avait une doublure qui répétait pour lui avec les autres stars. Mm-hmm. Et on disait, mais ça. Et quand il arrivait, le duo était parfait. Mais en fait, il voulait qu'on croie qu'il bosse pas, mais chez lui, il répétait tout seul chez lui. Mais il faisait croire qu'il n'avait pas bossé, qu'il était à moitié bourré, ce qui était totalement faux. Et il a été numéro un des shows télé, il a eu un show radio qui a cartonné, les plus grosses ventes de spectacles, de disques, enfin bon, Dean Martin, il y a un bouquin phénoménal que je conseille à vos auditeurs s'ils veulent connaître la vie de Dean Martin, mais aussi la vie de l'Amérique. C'est un bouquin qui s'appelle Dino et qui a été écrit par Nick Toshiz. Et là, si vous aimez l'Amérique des années 50-60, vous allez vous régaler et vous allez apprendre plein d'histoires phénoménales qui fait que dans les dîners, on passe... Quelle régalade niveau musique, quoi. Donc, Dean Martin et puis notre ami, comment il s'appelle l'autre là? Je me souviens jamais de son nom. Lequel? Frank Sinatra. Ça part de là. Voilà. Ça part exactement. De là. Et il t'entend ça, t'as quel âge? Bon, je suis petit parce que mon père écoute ça. Et mes parents, j'ai eu la chance d'être dans un milieu où on écoutait de la musique, où on lisait des livres. Bon, c'était pas milliardaire, mais c'était un milieu où il y avait des disques à la maison. Alors j'ai tout de suite aimé ça. Et je me souviens que quand j'avais 8 ans, je mettais les disques des Wings à fond et j'imitais Paul McCartney. Tu vois, je faisais du air guitar au lieu de faire mes devoirs. Bon, donc ça, j'écoute ça. À partir de 6, 7, 8 ans, 9 ans. Voilà, c'est vrai que j'ai plus été bercé dans les crooners, le jazz, que mes copains de l'époque qui étaient plus bercés dans Claude François et la variété, péjoratif, moi à l'époque j'aime pas ça, mais je vais l'aimer beaucoup plus tard. D'accord. c'est dans les années 90 quand j'étais très mauvais en Johnny, et puis tout d'un coup un jour je vais au Parc des Princes et je vois Johnny en 93, ce concert qui est mythique, et là du coup je commence à devenir bon en Johnny, mais avant j'étais mauvais en Johnny. C'est là où il se fait poser en hélicoptère. Non, c'est le Stade de France. Non, là, c'est là où il rentre. Par Drucker, enfin, si c'est pas une légende. C'est par Drucker, ouais. Il marche, c'est pas une légende. France. Non, c'est pas une légende. Hein. C'est quand il traverse le Parc des Princes en moto, c'est ça? Voilà. Non, pas en moto, à pied. À pied. Il rentre à pied. Et je crois que Camus a eu deux côtes cassées. Son producteur, Jean-Claude Camus. Et le truc que tu dis, c'est... C'est le Stade de France. Il veut absolument un hélicoptère. Et il n'y a que Drucker qui peut l'avoir. Il a appelé Drucker tous les jours à 3h du matin. L'autre se couche à 9h du soir. Oui, je sais, avec son hygiène de vie. Ouais. Et c'est là que Plani n'avait pas trouvé l'entrée, ou je sais pas quoi. Il y a eu une vidéo qui est ressortie il n'y a pas longtemps sur les réseaux, où tu vois Plani qui court partout dans le Parc des Princes. Il est accompagné pourtant. Il est accompagné par un mec de la prod, mais le mec de la prod ne trouve pas le chemin. Et Plani arrive au moment où il doit chanter, il prend le micro, il balance et il arrive sur scène. Il était très en colère avant de monter sur scène. Ah ouais, mais sur scène, après, il est parti. De toute façon, faut dire que Florence, c'est le chanteur français qui était le seul. Bon, évidemment, je mets Sardou à part de la génération de Florent, c'est le seul qui était capable de tenir tête au boss. Hein. Ouais, vocalement, c'est le meilleur. Hein. Aujourd'hui encore, Pani, il faut le suivre. Hein, après, on aime ou on n'aime pas la musique. Mais je parle moi de voix. Florent, c'est un tueur. C'est le meilleur chanteur français. Hein. Pour le Radio Club aujourd'hui avec Valérie Zetoun, ça va être que ça. On va y aller. On n'est pas prêt de partir. Hein, je vous dis, il va falloir faire livrer la bouffe pour ce soir, pour demain matin, tout quoi, tu vois. Et alors, les réseaux sociaux, c'est important parce que si vous voulez, ça s'emballe un peu. On vient de recevoir un message de la femme de Valérie Zetoun qui nous dit il m'a volé mes lunettes, alors pour le punir, écoutez-le en direct, elle fait sa promo, c'est quand même sympa. Donc il paraît que t'as piqué les lunettes de ta femme. Je tiens à dire à ma femme que je l'aime. Petit d'abord. Message personnel. Donc ma chérie, merci pour ce message. Simplement, tu sais pourquoi je te les ai volées, tes lunettes? Parce que moi, contrairement à toi, je me suis levé. Un partout, la balle au centre. Vous réglerez vos comptes en famille. Bon, voilà. Donc si vous avez des messages à passer, des questions à poser à Valérie Zetoun, le Radio Club, c'est sur Facebook, évidemment, pas de problème. Pardon, qu'est-ce qu'il y a, notre community manager? Instagram. Et puis Instagram aussi, évidemment, le Radio Club, pas de souci. Vous posez vos questions, vous envoyez tout ça et nous, on pose les questions pour vous. Le prochain titre, en préparation, je sais pas, faut vous demander au directeur des programmes aujourd'hui, c'est Valérie Zetoun. Non, mais le prochain titre, il est un peu dans la veine des deux artistes qu'on a écoutés précédemment. C'est un artiste qui s'appelle Harry Connick Jr. C'est mes tout débuts. C'est un digne héritier des Dean Martin. Ah ouais, complètement. Frank Sinatra. Complètement. Et c'est mes débuts dans le métier. Je suis chez Sony Music. Ouais. J'étais engagé comme porte-café, donc je porte les cafés. Mais j'étais le meilleur porteur de café de. Bah oui, parce qu'en radio, t'es porte-café. Non, mais parce que moi, quand je fais un job, je veux être le meilleur du job. Donc elle commence par la base. Oui, et je le dis ça pour. Je l'explique même à mes enfants qui sont maintenant des jeunes adultes. Quand on fait un job, il faut le faire à fond. C'est pas parce qu'on rêve d'être quelque chose d'autre qu'il faut pas faire ce qu'on fait sur le moment à fond. Alors, moi, et quand tu démarres chez Sony, t'as envie d'être patron de Sony ? Non, mais je me dis que je veux pas rester porte-café toute ma vie non plus, tu vois. Mais je notais quand il y avait les gars, on me disait tiens, il y a tel gars, il vient. Alors je lui demandais, vous buvez un café comment ? Et ben il me dit long avec du lait et de sucre. Alors moi je notais son nom et après et comme ça quand il revenait la fois d'après, je lui amenais direct. Comme Moritz. Tu vois ? Comme Moritz. Voilà. Comme ça. Exactement. Donc et les gars, ils étaient putain, il est bien lui, tu vois. Donc, donc j'étais porte-café chez Sony et en mais même tu temps, étais un bon porte-café. Je crois. Et en même temps, à l'époque, il y avait des magnétoscopes. Alors ça, c'est bonjour, on est dans les années 30. Et il y avait des magnétoscopes et moi, je faisais des copies de clips. Et l'attaché de presse qui vendait, entre guillemets, qui faisait la promo des clips à M6, s'était tombé malade, je sais pas quoi. Il y avait personne pour aller porter le clip à Reconic. Et je vois cette vidéo, je deviens fou, moi. Je dis, je vais y aller, je prends rendez-vous. Là, il y avait les programmateurs et tout, comme à Sky avec Laurent et le. Donc je prends. Ou à Énergie. Ou à Énergie, ou à Fun, ou à. Bon, whatever. Les programmateurs. Je prends rendez-vous, je mets la vidéo, tu vois, dans les écrans. Donc il y avait à l'époque le patron de la programmation, c'est un monsieur qui a disparu et il manque beaucoup au métier parce qu'il avait une culture géniale, il s'appelait Gilbert Foucault. On était capable de s'engueuler sur deux phrases qu'avait écrit un auteur dans un disque, hein. Et donc il y avait Gilbert Foucault, il y avait Michael Gentil et Egidio Alves Martin. Donc ils étaient c'était les programmateurs, je mets mon truc. Je danse pendant le clip et à la fin du clip je dis si ce titre là n'est pas clip des clips c'est que vous n'avez rien compris à la musique. Premier rendez-vous, hein. Et je m'arrache, non mais fada complet le mec, et je me casse et je prends mon petit scooter et je retourne. C'était quoi, c'était une sorte de je joue tout pour que ça rentre et non c'était que je trouvais mon truc tellement bien, ouais. Que j'étais nature, quoi. Un mélange de plein de choses, j'avais pas de code, tu vois. Il a pris son job à 200%, oui, mais il fallait jouer ce truc là moi je parlais de musique, je parlais de je te donne ça, je t'échange ça. Mais j'étais pas dans un plan de carrière. Bon, et la réaction des mecs? Ils m'ont rappelé, c'est Michael Gentil qui m'a rappelé. Et je vais vous dire pourquoi cette histoire me tient à cœur. Il m'a rappelé, il m'a dit bah écoute, et c'est super ton truc, il est clip des clips. Bon, donc j'étais fier, moi, je dis, mon premier truc de attaché de presse, tu vois. Et ton boss de l'époque ? Et mon boss de l'époque, il était sur le cul, il était content, quoi, tu vois, tout le monde était content. Reconic, c'était un objectif, bon. Alors moi, j'ai rappelé Michael, j'ai dit, pour vous remercier, je vais vous inviter à bouffer. Ouais, il me dit, ok, d'accord. C'était l'époque où il y avait beaucoup de sous dans les maisons de disques, alors je les ai emmenés, Michael et Egidio, on est partis bouffer dans un resto qui faisait du caviar à l'époque. Et j'ai dépensé plus que mon salaire en notes de frais. T'as pas fait de notes de frais ? Si, mais le lendemain, je suis arrivé à la compta, j'ai dit, je suis allé voir mon patron, j'ai dit, écoute, j'ai fait une connerie, j'ai dépensé plus que mon salaire. Il m'a dit, on en a rien à foutre, puisque t'as rentré tes clips et que tu fais ton boulot, bravo. T'as fait le boulot. Mais bon, et tout ça pour vous dire que Michael, aujourd'hui, est un grand. Très bon producteur de cinéma, il a changé de voie. Il a été patron de WeFM pendant une période, après M6. Maintenant, il est producteur de cinéma. Et mon pote Egidio fait une huile exceptionnelle. Et on est dans cette aventure ensemble, puisqu'on produit une huile d'olive qui s'appelle l'huile d'Egidio, qui est formidable, je vous la conseille. Et d'ailleurs, on a un site. J'en profite pour faire vas-y, on est là pour ça. www.huildegidio.com. Vous verrez, c'est une huile évidemment, portugaise. Livraison d'une caisse d'huile d'olive directement au Radio Club. Je vous le dis, elle est exceptionnel. Là, on est au BHV. Ce qu'il y a de bien sur Internet, c'est qu'on peut faire de la pub. Rappelle-nous le site Internet. www.huildegidio.com. Degidio. Egidio s'écrit E-G-I-D-I-O. Mais on met un D devant pour ça. Voilà. Bon, alors, fruité vert, fruité mûr. Non, alors, ce sont des petites olives, ça, c'est parce que c'est une autre de mes passions. C'est des petites olives ovales qui s'appellent les Galega. On trouve ça au. C'est à la frontière entre le Portugal et l'Espagne, hein, au milieu de la frontière. D'accord. tout est fait à la main, c'est-à-dire que les olives sont récoltées à la main, l'huile est pressée, elles sont pressées en première pression à la main, pas à la machine, parce que quand c'est à la machine, les mecs te mettent première pression, mon cul, parce que la machine elle chauffe l'huile, donc c'est mort. Là c'est à la main, à l'ancienne, ils poussent des... Enfin bon, c'est toute une technique. Mais ça donne envie de manger une petite, une petite tomate attends, avec... Écoute, elle est magnifique, on a même des oliviers qui montent jusqu'à 8 mètres, 59 mètres de haut. Et qui sont à 1300 mètres d'altitude là-bas. C'est très très rare. Elle a un goût vraiment inimitable. Et en plus, donc, vous pouvez la trouver sur le site, ou les Parisiens peuvent la trouver en ce moment au BHV, parce qu'il y a toute une opération sur le Portugal, qui est une destination qui est devenue branchée et à la mode, alors qu'il y a 20 ans, on se moquait du Portugal et trucs. Ah, maintenant, on se moque plus. Et puis, dans 10 ans, ils vont être devant nous. Ce mec est un élu. Ouais, ouais. La musique enfin, pour le plaisir, la bouffe pour le plaisir. On fait quand même un écart entre Franck, Dean, franchement. Et l'huile d'olive. Hein. Alors donc le disque maintenant. Blue Light, Red Light, donc Harry Connick Jr. Cold water flat, with room for a couple of cinders and a mouse, a hole and a trap. I don't worry about the flights or count the stairs, 'cause I know someone's there. I took a high pan sweeping up job, dusting after somebody else, seeing that there's clean on the windows, convincing the snow to melt. I don't worry about the ride or the subway fare, 'cause I know someone's there. One day we'll move uptown or even out to the countryside, and for every leaf on a tree we'll add one cup to the pride. Who cares if the floor ain't level, or if the ceiling falls in, haunted by the devil, or ghosts and boogeymen? I can't be concerned, why should I care? No place I'd go alone would compare, 'cause I know you're there. On a tree we'll add one cup to the pride. Who cares if the floor ain't level, or if the ceiling falls in, haunted by the devil and ghosts and boogeymen? I can't be concerned, why should I care? No place I'd go alone would compare, 'cause I know you're there. Round, like a circle in a spiral, like a wheel within a wheel, never ending or beginning, a never spinning wheel, like a snowball down a mountain, or a carnival. Like a carousel that's turning, running rings around the moon. Like a clock whose hands are sweeping past the minutes of its face. And the world is like an apple whirling silently in space. Like the circles that you find in the window. follow to a tunnel of its own, down a hollow to a cavern where the sun has never shone, like a door that keeps revolving in a half-forgotten dream, or the ripples from a pebble someone tosses in a stream, like a clock whose hands are sweeping past the minutes of its face, and the world is like an apple whirling silently in space, like the circles that you find in the wind. Keys that jingle in your pocket, words that jangle in your head. Why did summer go so quickly? Was it something that you said? Lovers walk along the shore and leave their footprints in the sand. Is the sound of distant drumming just the pictures hanging in a hallway and the fragment of a song? Half-remembered names and faces, but to whom do they belong? When you knew that it was over, you were suddenly aware that the autumn leaves were turning to the color of like a circle in a spiral, like a wheel within a wheel, never ending or beginning, on an ever spinning reel, as the images unwind, like the circles that you find in the windmills of your mind. Le Radio Club, c'est dimanche, prenez le temps, asseyez-vous tranquillement, renvoyez la belle-mère chez elle. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Ouais, bah ouais, on soit tranquille pour écouter le Radio Club quand même. Il faudrait qu'on fasse une émission sur des histoires drôles de belle-mère quand même. Il y a je sais pas si ça intéresserait les gens. Ça en fait. Peut, le jour de la fête des mamans, ça peut aider. Alors, continuez à écouter les grosses têtes, mon chéri. Philippe Thorne est avec nous, évidemment. Arthur Legge également. Et notre invité aujourd'hui, Valérie Zetoun. Il est en direct de la chambre de Bonne, c'est notre hashtag. Et vous aussi, vous êtes en direct. Si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas. Le Radio Club sur Facebook, sur Instagram. On lira vos questions à l'antenne. Et à l'instant, donc, Dusty Springfield. C'est ça. Oui. Et donc c'est la reprise des Moulins de Mon Cœur. Voilà, c'est l'adaptation américaine. D'abord Dusty Springfield, je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, c'est juste une bombe atomique parce qu'elle n'avait pas qu'une belle voix et elle ne savait pas elle que s'en servir. Elle avait aussi un beau cul. Ah, elle était magique, elle vraiment avait magique. Comme on dit, une forte poitrine. Mais sublime et vraiment l'américaine type des années 60 qu'on imagine dans une Corvette rouge et blanche, intérieur cuir, sur les grandes avec les largeurs de la. Ça, route 66, ouais. Enfin bon voilà, et une chanteuse hors pair, et surtout je tenais à faire un clin d'œil à Michel Legrand. Michel Legrand était beaucoup moins reconnu en France qu'ailleurs dans le monde. Legrand aux États-Unis était une superstar, au Japon il était aussi star qu'Alain Delon. Nous on avait tendance et à c'est le dire, c'est sous, dire. Sous-côté et je trouve ça dommage. Cet artiste a eu 2 Oscars quand même, c'est pas rien. Il y a pas beaucoup peu de Français qui peuvent se prévaloir d'avoir eu des Oscars, surtout en musique, et surtout il a eu une carrière phénoménale. Et pour ceux que ça intéresse et qui aiment un peu les chanteuses de swing et le jazz, Legrand a produit un album qui est une pépite, et ne riez pas parce que il a produit un album qui, avec Nana Mouskouri. Alors on a cette image de Nana qui est une très classique et très belle-mère. Alors pas ici dans le Radio Club, si les gens écoutent l'émission depuis quelques mois, on a eu un producteur et un directeur de label chez Universal qui s'appelle Alain Yami, qui nous a parlé de Nana Mouskouri, qui nous a dit « J'ai produit un album avec Nana Mouskouri et... » Quincy Jones. Exactement. Non, non, mais elle a vendu 200 millions d'albums. Elle parle 8 langues. Non, et là, donc cet album-là avec, avec Michel Legrand s'appelle Jazz in New York. Et je vous chanté par Nana Mouskouri. Chanté par Nana, composé et écrit et tout est par Legrand. C'est une bombe atomique cet album. Et vous pouvez le mettre, vous n'avez pas le moral, il y a les impôts qui y sont passés, le troisième tiers qui n'est pas payé, l'école du petit dernier qui réclame son dû et machin, un truc. Vous mettez ça, ça vous change la vie. Vraiment. Et donc, je tenais à faire un hommage à Legrand qui mérite. D'être à la place qu'il doit être, c'est-à-dire au panthéon des. Ah, bah ici, on est assez fan de Michel Legrand, quand même, il faut bien le dire. Bah, j'espère, c'est bien. Et je l'avais écouté d'ailleurs, hein, l'interview de notre Alain ami Yami, Alain, parce qu'on a c'est dans les podcasts, c'est disponible www.leradioclub.com. C'est très bien, pas de problème. Bien. Il est très cultivé, ça fait plaisir de voir qu'il y a encore des directeurs artistiques cultivés. C'est chez Universal et ailleurs. Enfin, pas uniquement. Il y a ouais, pas dans que le métier, des mecs c'est font, important. Ouais, mais bien sûr. Non, mais c'est important parce que ce métier, je le dis, j'ai cette discussion avec mes garçons. Il y en a un, voire deux, qui ont envie de faire ce métier. Je leur dis attention, ce métier, il se fait pas uniquement avec des hautes études. Ils font des études, des prépas, de grandes écoles. Mais ça se fait avec de la culture. Si on connaît pas ce qui s'est fait avant, et si on sait pas de quoi on parle, on peut pas faire ce métier. Parce que c'est comme tous les métiers artistiques, il faut connaître ce qui s'est fait avant pour espérer participer à ce qui va se faire après. Bon. Voilà, bah je crois qu'il n'y a pas grand chose à rajouter à ça. Philippe Thorn, tu regardais sur Spotify. Je regardais, mais je pense qu'ils n'ont pas eu les droits pour diffuser. Ah, d'accord, tout simplement. Très bien. Bon, pas grave, on recherche. Continue. La période jazz, ça, c'est vraiment les fondations. Ça fait partie de ma culture, ouais. Ouais, c'est les fondations. Et alors après, donc Sony Music. Et encore, je ne vous en ai pas amené là, parce que j'ai hésité. J'avais du Art Tatum, du Ben Webster, et puis j'ai dit, je ne peux pas aller partout. Donc on va rester focus sur les. Non mais il fallait bien que je sois. Mais je t'assure que il faut c'est un vrai. Cadre, j'aurais Valérie, pu venir. J'aurais pu venir avec 500 disques et plein de. Bon bref. Donc il faut. La prochaine émission. Il faut Non mais dimanche prochain. Voilà. Non mais c'est vrai que toutes ces histoires là, elles ont un sens. C'est le sens de ma vie. Cette musique là. Vous parliez d'île déserte, je ne pourrais pas partir sur une île déserte sans ces mecs-là. Voilà, c'est pour moi c'est impensable et je les connais par cœur. C'est-à-dire les versions, les machins, je connais vraiment assez bien. Au-delà, d'ailleurs, c'est ce qui m'a rapproché de Eddie Mitchell parce que Eddie, il faut savoir que c'est un puits de science. Eddie sur les crooners, je pense qu'il connaît la couleur des caleçons que portaient les gars du Rat Pack le 7 août 1956, c'est-à-dire il connaît quel tout. Coquin, ça il est très Michel. Dur. Il est très dur en termes musicaux. Il est très très exigeant et moi aussi. Et donc la première fois quand tu travailles avec Eddie, c'est impressionnant, c'est Eddie quoi. Tu l'as rencontré pour les Vieilles Canailles ? Non, je l'ai rencontré chez Polydor parce qu'il était chez Polydor et j'étais directeur promo et marketing. Donc, voilà. Et mon patron de l'époque qui s'appelle Jean-Philippe Allard, lui aussi un puits de science et un tueur, un gros gros producteur, notamment en jazz, puisqu'il a produit les derniers albums de Stan Getz. Il a eu une page dans Time Magazine, Allard quand même, c'est un français aussi. Hein. Mais c'est un bloc. Et dans le taxi qui nous amène pas à Memphis mais à Eddie, il me dit je te préviens Eddie, il est un peu particulier, il est pas commode quoi. En gros il me fait comprendre que si je loupe la marche c'est fini, la porte se ferme sur ma gueule quoi. Et donc on arrive et puis on se met tout de suite à parler Rat Pack, Sinatra, machin truc, et il a compris qui tu étais. Et j'ai été adopté et j'étais très fier, je suis très fier d'être adopté par Eddie. Et d'ailleurs c'est Eddie que je suis allé voir le premier pour les vieilles canailles. C'est à lui que j'ai parlé en premier. C'était pas un hasard, quoi. C'était, il fallait que ce soit. Il fallait que t'aies son, oui, son oui, aval pour lui, pouvoir. Et surtout, musicalement, quand il s'agit de big band, etc., etc., il est très très pointu. Eddie ne fait jamais une fausse note. Je l'appelle l'insubmersible, moi. Je n'ai jamais entendu Eddie partir de. Ça arrive à tous les artistes, hein, même les grands. Lui, jamais. C'est un métronome. Et dans le spectacle, à un moment, je ne sais plus sur quelle chanson, ils étaient tous les trois. Le titre va me revenir, c'est un trio, et tout d'un coup, ça part en couille, et là, il y a Jacques qui fait une sortie de route, du coup, Johnny, ça chante limite faux, machin, puis ça part carrément. Et là, c'est le seul fois où Eddie s'est laissé emporter, et où les trois sont partis. Donc, tenir, c'était les premières répètes, tu vois. Donc, ce moment, quoi. Mais il y avait le big band et tout ça, bon. Ah ouais, donc, mais Eddie, ça swingait, quoi. Ah, ça swing grave. Non, parce qu'après, artistiquement, vous auriez pu aussi prendre une autre direction. Non, on a pris le big band. On a pris le big band de Michel Gaucher, qui est le big band historique d'Eddie, parce que ils connaissent ça par cœur. Et Michel Gaucher, qui a fait tous les artistes français. Exactement. Et qui est avec Jean-Yves D'Angelo, voilà, Basile Leroux à la guitare, voilà, D'Angelo, voilà, qui doit venir dans cette émission. Ouais. Il me l'a promis. Ouais. Il me l'a promis. Ouais. Je le rappelle. Il passe sa vie sur les routes avec Jonas. Avec Jonas. Voilà, il encore est en train un artiste que j'adore d'ailleurs. Il est en train de préparer un album avec Michel Jonas. Mais il m'a promis, il m'a dit, je viendrai dans le Radio Club. Ouais, non, parce que moi, c'est... j'adore ce mec-là. Je l'ai connu évidemment, ma période Jonas à l'époque, Mr. Swing et tout ça. Et il avait fait un groupe aussi, Palace Hotel, ça s'appelait, le morceau. Non, avec Camille Rustam et le batteur, comment il s'appelle? Comment il s'appelle le batteur? Le fameux batteur. Ah, bah oui, mais on peut pas avoir. De Sting, entre autres. Ouais, exactement. Camille Rustam et le troisième. Allez vous faire foutre, dites-le si vous le savez, putain. J'ai un trou de mémoire. Allez, le super batteur de Sting. Manu Katché. Voilà. Putain. Tu as gagné, tu peux revenir le mois prochain. Donc, monsieur D'Angelo, si vous écoutez cette émission, vous êtes attendu dans le Radio Club prochainement. Merci, au revoir. Donc t'as pris les meilleurs musiciens. C'est surtout les artistes qui ont choisi. Et chacun a rajouté son guitariste. Mm-hmm. Hein, parce qu'il y avait Yarol pour Johnny. Donc on a fait un truc qui était vraiment équilibré, où chaque artiste avait le big band, mais chacun a amené son guitariste. On avait 5 ou 6 guitaristes, je sais plus, sur scène, c'est énorme. Non, c'est magique. Et donc, alors, ce qui nous amène au prochain titre, Jacques. Donc, je ne connais pas Jacques Dutronc. Moi, je vais déjeuner avec Eddie. Je lui dis, écoute, j'ai l'accord de Johnny pour faire les vieilles canailles, mais j'ai un problème, c'est que je connais pas Dutronc. Il me dit, mais ça, il n'y a pas de problème, t'inquiète pas, voilà, je l'appelle, et puis t'as qu'à l'appeler après, etc., etc. Bon, ok, donc, j'appelle Monsieur Jacques, c'est pas lui qui répond, c'est toujours la personne qui partage sa vie maintenant, qui est une femme charmante, géniale, drôle. Donc, elle me dit, je dis bonjour. Qui n'est plus François Hardy, au cas où vous... Non, ils ont chacun leur vie. Bon, sa femme actuelle me dit, oui, alors c'est pourquoi? Je lui dis, bah, voilà. Bon, voilà, c'est les vieilles canailles, il y récit. Alors elle me dit, oui. Alors je dis, bon, ben voilà, eh bien, très bien, je vais en parler à Jacques. Et moi, je me dis, putain, ça lui a pas plu. Et avant de raccrocher, je suis fébrile, quoi. Et je lui dis, mais pardon, je peux vous poser une question? Elle me dit, oui. Et j'ai dit, vous trouvez ça comment, cette idée? Je trouve ça formidable. Donc c'est une pince sans rire. Et après, on s'est connus, et elle est super. Elle est très drôle. C'est peut-être parce qu'elle ne te connaissait pas. Donc elle me rappelle, elle me dit, faut venir. Merci pour le bizutage. Faut venir à la maison en Corse. Je vous préviens, vous prenez pas d'hôtel, machin. Bon, donc j'arrive en Corse et tout. Et puis là, je vois. Parce que, tu sais, moi je vais vous dire un truc, je suis pas fan. J'ai eu la chance de travailler sur Elton John, Bono, des stars internationales, françaises. Mais il y en a peu, hein. je perds mes moyens, c'est impossible pour moi. Et Dutronc, il faisait partie de ça, parce que pour moi, Dutronc, c'est le Delon de la musique. Il n'est pas que, il dandy, n'est pas uniquement, oui. Il est phénoménal de classe, de et puis c'est un acteur hors pair. Ouais. Dutronc, il a un César. Donc il a, c'est pas que il est bon chanteur, il est aussi bon acteur. Et donc je me retrouve face à face à lui et ça a failli, j'ai failli, tu vois, parce que c'était impressionnant pour moi. Bon, et un mec, mais d'une générosité, d'une sympathie, d'une drôlerie. Premier truc qu'il me dit, on parle du truc et tout, il me dit bon ben, et il va falloir prévoir un tabouret et un fouet. J'ai dit pardon. Un fouet. Ouais. Il me dit si, il faut prévoir un tabouret à fouet parce que. Parce qu'il faut l'apprivoiser, la bête, là, Johnny Hallyday, sur scène. Il avait jamais chanté avec lui ? Non, je crois pas. Donc il avait une appréhension ? Ah bah, Jacques, il avait pas chanté depuis 8 ans, hein, la live. Dernière fois en live. Mmh. Et il avait jamais fait cet exercice de chanter en duo et en trio avec eux. Donc il avait chanté avec Eddie. Parce qu'il faut savoir que au début de leur carrière, Dutronc était le guitariste d'Eddie Mitchell. Il remplaçait quand Eddie avait les chaussettes noires, il remplaçait le guitariste au pied levé quand le guitariste n'était pas là. D'ailleurs, il y a une histoire qui est truculente, qui est géniale. C'est que dans cette tournée-là, donc dans les années 60, Dutronc a coutume de demander à chaque fois double cachet, c'est-à-dire le cachet pour la date du soir et le cachet en avance du lendemain. Pour éviter de se faire un drinker, la mais gueule. Non, pas du tout. Donc le régisseur raconte ça à Eddie. Eddie dit bon, je sais pas. Et puis un jour, ils rentrent en bagnole tous les deux d'une date. Et Eddie dit à Jacques, il lui dit ça va, Jacques, en ce moment. Jacques lui dit c'est super, ouais, ça va. Pourquoi ? Il dit ça va. Il dit non, mais t'as pas des problèmes de pognon un peu ? Il dit non, pas du tout. Il dit non, parce que comme tu demandes double cachet, il lui dit mais non, mais tu sais, le problème que j'ai en ce moment, c'est que je suis encore chez mes parents rue de Provence et il y a des travaux. Alors, comme on rentre tard des dates, tu comprends, les ouvriers, ils font du bruit, ils m'empêchent de dormir. Alors, le seul truc que j'ai trouvé, c'est d'aller voir les putes qui sont en bas, je leur donne les sous, comme ça, elles s'occupent des ouvriers, comme ça, je peux m'endormir. C'est énorme. C'est magnifique. C'est magnifique. C'est gracieux. Le mec payait les putes aux ouvriers c'est pour éviter qu'ils fassent du bruit. C'est la grande classe. Alors là... Et donc... je le verrai plus pareil. C'est que ça, Jacques, c'est que ça. Ouais. Écoutez, à un moment donné, Eddie a été hospitalisé, il fallait pas qu'il... il fallait pas qu'il boive, il fallait pas qu'il fallait qu'il reste au calme, etc. Et Dutronc est arrivé pour le voir. Il lui a amené de la cochonaille, du champagne, etc. Et il est venu avec une fanfare dans la chambre qui jouait pour Eddie. Non. Il a payé une fanfare pour... C'est que... Mais Jacques, c'est que ça. C'est génial. C'est un mec vraiment... Ah oui, c'est tout dans l'improvisation et dans le... C'est un des gros déconneurs. Gros déconneur. Et en même temps, une classe... Moi, j'aurais aimé faire Jacques Dutronc dans la vie. Voilà. De temps en temps, il était un petit peu casse-couille ou pas ? Non, les écoute, canailles. Pas du tout. Honnêtement, on n'a pas eu... Bon, il faut dire qu'on a tout anticipé. Tout le monde était logé à la même enseigne. Même cachet, même loge, tant que faire se peut. Chacun a choisi. Il y en a qui voulaient rentrer, y rentrer le soir. Il y en a qui voulaient rester, y rester. Franchement, il n'y a pas eu... Une fois où il y a eu une angoisse ou un machin, ça a été remarquable. Oui, t'as mis en place une espèce de même règle pour tout le monde. Oui, voilà. Dès le départ, on a dit bon, ben voilà, pour que ça marche, il faut que chacun ait la même chose. Et puis comme ça, il n'y a pas de jaloux. Bon, c'est ton expérience de producteur qui t'a permis peut-être d'aller à l'encontre de la galère. Il y avait ça, et il y avait aussi qu'ils sont tous les trois entourés de gens intelligents qui ont aussi très vite compris dès que je leur ai parlé, parce que je suis passé moi par les producteurs et les managers au départ. Donc ils ont tout de suite compris que si ça devait se faire, ça ne pouvait se faire que comme ça. Autrement, c'était mort. Si on considérait que parce que Johnny était plus star et objectivement c'est la réalité, il devait prendre 50% et puis les deux autres machins, c'était mort. Donc tout le monde a accepté de jouer le jeu et Johnny aussi et c'était super. Franchement, j'ai aucune angoisse à raconter sur cette tournée. Bah, t'as bien managé. les trois égaux. Non, on a bien managé avec les autres, mais oui, on est. Et puis, vous savez, ils étaient amis dans la vie, donc c'est plus facile. Oui, c'était des potes qui se retrouvaient sur scène. Bah oui, c'est pas comme si demain je vous dis, tiens, vous allez faire le Radio Club, mais vous allez le faire avec des mecs que vous respectez, mais que vous connaissez pas bien ou vous êtes pas des potes. Ça sera pas la même émission. Là, nous, on accueille tout le monde avec plaisir. Non, mais ça marche que parce qu'il y a une amitié de 40 ans et un respect et qu'ils aiment bien les chansons des autres. Parce qu'il faut les chanter, les chansons des autres. Tu peux être pote avec un artiste, ou même, moi, ça m'est arrivé de défendre des artistes dont j'aimais pas la musique, et qui étaient des gens super dans la vie. Mais bon. Oui, métier de professionnel de la musique. Voilà, tu dis, bon, c'est pas ce que j'écoute. Bon, moi, j'ai toujours essayé de biaiser, et assumer tout ce que j'écoutais. Mais il y a des moments, bon. Et puis, t'as d'autres. Même quand d'autres t'as fois, fait les L5, c'est toi qui as fait. Non, c'est pas moi. C'est moi, j'ai fait les Watford. J'ai les fait Watford, beaucoup plus pardon. Fort. Oui, Watford. Oui. Mais alors, avec Nile Rodgers. Merci, voilà. Oui. Bah, on se renseigne sur les. Et puis en même temps, on connaît un mais peu. Mais tu sais que c'est marrant parce que. Non, mais ça, c'était drôle quand même. Mais j'ai gagnante d'un concours de chant à la télévision, dans l'album, tu y mets Nile Rodgers. Qui ne savait pas qui était Nile Rodgers. Les chanteurs. Bah ouais. Et à l'époque, Nile Rodgers, il n'est pas revenu. Non, il n'était pas encore revenu avec les Daft et compagnie. C'est juste avant ça. Et moi, je prends Philippe XVI pour faire l'album parce que je réécoute l'album New York et trucs Al Jarreau et tout ça. Et je veux Philippe XVI. Et Philippe XVI a la gentillesse de malade, me dire. Toi. Ah ouais. C'est-à-dire que t'as la moyen de produire de la musique, tu vas chercher les meilleurs. Bah ouais. Non mais c'est génial, bravo. À M6, ils ont vu la facture, ils m'ont dit mais t'es un taré. Je dis c'est où ça ou rien. Parce que déjà vous me faites faire un truc que j'aime pas. Je voulais pas faire un groupe mix, ça ne marche pas. Il y a eu que ABBA. C'était les gagnants de pop star quand t'as été juré, c'est voilà, ça. Voilà. Et, sauf que la vraie gagnante, ça a été Chimène. Mais Chimène, je l'ai sortie bien avant parce que je savais qu'il fallait pas aller qu'elle la faire danser parce que ça lui aurait cassé tout le truc. Mais c'est Chimène qui vend un million d'albums. C'est pas le groupe. Mais le groupe, si tu veux, le problème, c'est qu'il y avait trop de gens qui se mêlaient d'artistique. Et les gars qui sont dans les maisons de disques de chaînes de télé, ils veulent toujours avoir la mise parce qu'ils sont chez le diffuseur. Mais moi, j'avais pas envie de parler avec eux parce que ils avaient pas de culture musicale, donc ils pensaient que les choses doivent rentrer dans l'audience, peut-être un peu trop. Mais encore ça, c'est tableau leur Excel, c'est ça. Non, mais c'est leur boulot. Non, mais c'est de dire, on va faire un groupe mix parce que ça ne s'est jamais fait à part ABBA. Je dis, mais si ça ne s'est jamais fait à part ABBA, c'est que c'est pas un hasard. Il y a des raisons qui font que les groupes mixtes de 4, 2 filles, 2 garçons, d'abord, ABBA, ils chantaient pas tous les 4, hein, parce que les mecs chantaient pas, ils écrivaient les chansons. Bon, c'était deux nanas. Bon. Et qu'il y a des raisons culturelles pour lesquelles. Donc, j'étais, moi, dès le départ, contre ça. Ils me l'ont imposé. Bon, j'ai été obligé d'accepter. Le coup de cul que j'ai, c'est qu'il me tombe Chimène à Bordeaux. Et que là, tout d'un coup, je fais, waouh, je suis sauvé. Parce que j'ai pas Chimène, je suis le plus mauvais producteur de France. Devant 5 millions de pimpins qui me regardent. Tous les mercredis ou les jeudis, tu vois. Donc j'ai le cul qu'elle soit là, la petite. Ah ouais. Surtout que c'est ma première signature, mon premier label, mon premier tout. Donc ça tient à rien, quoi. Tu vois. Mais il n'y a pas de hasard, peut-être. Non, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Ouais, il ne faut pas les louper. Non. Comme aujourd'hui. C'est alors ça. Voilà, donc. Et alors lui, il nous donnait rendez-vous parfois à 5h du matin. Hein? Non, mais je suis le roi de l'enchaînement, donc vous allez comprendre pourquoi. Et parce qu'il sortait de boîte et il était habillé en. Gentleman cambrioleur. Ah, trop fort. Jacques Dutronc dans le Radio Club avec Valérie Zetoun. C'est qui ? C'est le plus grand des voleurs. Oui, mais c'est un gentleman. Il s'empare de vos valeurs. Sans vous menacer. Quand il détrousse une femme, il lui fait porter des fleurs. Gentleman cambrioleur est un grand seigneur. Il vient chez vous la nuit sans déranger votre sommeil. Il décroche sans bruit le tableau acheté la veille. Puis avant de partir, après ses coups, d'agréables travaux. Il laisse un mot sur le piano. C'est le plus grand des voleurs. Oui, mais c'est un gentleman. Et chaque femme a son heure. Rêve de voir son visage, de la crise à la danse. À l'épouse la meilleure, gentleman cambrioleur, a gagné le cœur. C'est le plus grand des voleurs. Oui, mais c'est un gentleman. Il s'empare de vos gentleman cambrioleur. Philippe Thorne, tout va bien ? Tout va bien. La sieste, tout va bien ? Moi, je reviens de la piscine. Donc, ah ouais ? Ouais, j'écoute le retour, là. Et la maître nageuse, tu connais son prénom ou pas ? Pamela. Pamela ? Bah oui. Ah, purée. Tu veux venir ? Bah écoute, je sais pas si tu je veux suis... pas venir faire 2-3 longueurs ? Faut voir. C'est pas mal comme idée, mais je préfère continuer l'émission avec Valérie Zetoun, parce que là, en ce moment, on touche le... Il paraît qu'avec Pamela, c'est plutôt 2-3 largeurs, mais bon... Aussi. Okay, chacun sa lecture. Hein. Okay, non, bon. Mais... Chacun sa lecture. D'accord. On est pas mal, on est dans le Radio Club avec Philippe Thorne. Arthur Legge. Et notre invité aujourd'hui... Valérie Zetoun. C'était pas mal ce Jacques Dutronc. La tournée des vieilles canailles, évidemment, ça évoque pour toi plein de souvenirs de fous. Et je pense que pour le public et le grand public et tous ceux qui nous écoutent également, t'as passé une chanson de Jacques Dutronc, parce qu'en fait, il y a plein d'histoires qui te reviennent. Et à l'instant, tu me disais, j'ai encore une anecdote. Ouais, non, elle est très drôle. Et donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Dutronc n'avait pas chanté depuis 9 ans. Et en 9 ans, la technologie évolue. Et vous savez que maintenant, en concert, les artistes ne chantent plus qu'avec des ears. Les ears, pour les auditeurs, ce sont des bouts de plastique qu'on se met dans les oreilles et qui permettent de régler les instruments qu'on a envie d'entendre, que l'artiste a envie d'entendre. Donc s'il veut plus de batterie, on lui met plus de batterie, plus de basse, plus de guitare. Ça permet aussi de régler ses retours à lui son. Perso, c'est presque une balance en temps réel. C'est une balance en temps réel qui est dans... Donc, et les ears sont faits sur mesure. On prend donc à la mesure de des oreilles, et elles sont faites sur mesure, on les met. Bon, voilà. Vous avez très certainement dû voir dans les concerts tous ces gens qui sont avec ce qu'on appelle des ears. Et donc, j'appelle Jacques, je dis, tu sais, il faut des ears, etc. Et une jeune fille qui va venir pour prendre tes moulures et tout, il me dit, pas de problème. Il me dit, mais il faut que ce soit toi qui me les amène. J'ai en Corse. Je dis, ok, super, bah, je te les amène. Il avait envie de me voir. Bon, c'est une manière gracieuse de me dire, viens me voir. Donc, c'est quoi, c'était se rassurer par rapport à tout ce qui arrivait. Voilà. Et puis ces artistes-là, ils sont à l'ancienne, ils aiment bien le producteur qui vient les voir, ce qui est normal. Et puis moi, c'était... Sauf que le seul jour où je pouvais y aller tombe un jour où il y a une grève générale. Mais un bordel dans Paris, un bordel, les avions, etc. Pour aller chez Dutronc, il habite dans le nord de la Corse, il faut prendre Calvi. Oui. Sauf que Calvi était fermé et il n'y avait que Ajaccio. Donc je prends un vol pour Ajaccio. Et heureusement, j'ai des copains corses que j'aime beaucoup, dont un qui s'appelle Jean-Pierre Marcellesi, qui est un guitariste hors pair en guitare nylon. Il n'y a pas meilleur que lui. Vous pouvez chercher de Londres jusqu'au Caucase, vous trouverez J'en pas ai un rencontré meilleur. Aussi bon. En Corse des mecs qui ne veulent pas bouger de Corse, mais c'est des tueurs. Non, lui, il bouge, Jean-Pierre. Et donc j'appelle Jean-Pierre, je dis écoute, Jean-Pierre, je suis en emmerdé, j'arrive à Ajaccio, c'est quand même 2 heures, c'est des petites routes, hey. Il y a 80 bornes, mais c'est des enlacés. Ah, oui. Je veux pas louer une bagnole 60 parce que je vais devoir arracher. Mmh. Et trouve-moi une vieille bagnole immatriculée 2B ou 2A. Il me dit pas de problème, t'inquiète pas. J'arrive à l'aéroport, il me trouve une vieille BM, mais pour un vieux modèle, mais 2B, 2A. Je dis parfait. Je pars là, je roule comme un calu. Corté et compagnie. Attends, ah ouais. Mais pour ceux qui connaissent, c'est. C'est une petite route de Montagne. Ah, c'est sport. Mmh. C'est, t'as pas le temps d'écouter, de mettre tes trucs. Bon. C'est un rallye, quoi. J'arrive chez Jacques, tout ça. Bon, super. Il me dit, mais tu repars ce soir? Je dis, oui, parce que je suis obligé. Demain, j'ai un concert, je sais pas quoi. Là, j'ai senti qu'il était vraiment touché que j'ai fait l'aller-retour parce que je suis resté vraiment 2 heures pour bouffer et j'ai fait 4 heures de bagnole. Ouais. Et 3 heures et 2 heures de vol, tu vois. Ouais. Et ouais, c'est dit, putain, bon. Le producteur, il donne, quoi. Voilà. Donc, je pars, je lui donne les hirs, je lui dis, voilà, regarde, machin, ok, super, truc. Et puis, je rentre. Et le lendemain, il m'appelle, il me dit, c'est bien, hein, c'est bien, c'est hier, là. Enfin, j'espère que c'est bien. Je lui dis, mais tu les as essayés? Il me dit, oh, non, mais je dors avec. Et donc, il a dormi avec pendant une semaine pour être sûr que ça lui allait. Ah ouais, pour se familiariser avec un truc qu'il avait jamais mis, en fait. Voilà. Non, mais c'est vraiment un personnage magique. C'est un bonbon, ce mec. C'est exactement ce que j'allais dire. Le moulet cassé. Hein, franchement. Dans les artistes avec lesquels t'as bossé après, de Chimène à, j'ai pas les noms en tête tout de suite, mais t'as pas retrouvé certains point commun avec ces grands artistes-là? Les grands, si, ils ont tous le point commun que c'est tous des bosseurs. J'ai jamais vu un grand artiste qui travaillait pas en permanence. C'était pas inné, quoi. Non. J'ai eu la chance de bosser avec Sardou. J'ai eu la chance de bien connaître, de côtoyer Aznavour. Charles, jusqu'à la fin de sa vie, il écrivait 5 heures par jour. Il se mettait à son bureau, il écrivait 5 heures par jour, tous les jours. Que ce soit des chansons ou autre chose? Non, il écrivait des chansons, il écrivait des textes 5 heures par jour à 90 berges. Mm-hmm. Il continuait à écrire, il disait, moi, je peux pas m'arrêter. Donc, et alors qu'il aurait pu dire, je m'arrête, je fais. Donc, encore ça pue les couilles. Ouais. Donc c'est tous des gros bosseurs. Mm-hmm. Et c'est surtout tous des mecs qui ont. Et des nanas, parce qu'il y a des grandes. Qui ont envie d'être numéro 1 et qui. Et voilà, et c'est mais ils ont quelque chose de. Je veux dire que quand ils rentrent dans un restaurant où on sait qu'il y a une vedette, ils dégagent pas les mêmes choses que le commun des mortels, les artistes. Le charisme, ça s'appelle. Ouais, ils sont solaires. Ah, ils sont solaires. Ça rentre. Bon, cette génération-là, bon, ils rentrent et là tu dis merde. C'est comme quoi. Bono, c'est pareil. Un jour, on va à Cannes au Energy Music Award. Il devait faire un discours. Et il voulait le faire en français. On lui remettait un prix d'honneur mais il chantait pas. Il me dit rendez-vous au resto de l'hôtel. Là, on était au Majestic, je crois. Donc, hôtel, le resto, c'est 2 étoiles, tu vois. Ah, on est assis, il est avec son assistante. Moi, je suis quelqu'un de chez moi. Il me dit, bon, qu'est-ce que t'en penses? Il commence à me lire le truc et tout. Et puis, il a chaud. Alors il dit à son assistante, il dit donne-moi une chemise s'il te plaît. Donc, elle a un sac, elle lui sort une chemise. Le mec, on est dans un resto 2 étoiles collé monté avec des cons là qui bouffent truc. Le gars est en train de dire mes chers amis, c'est ça, c'est correct, ouais, truc. Et là il se dessape. C'est-à-dire, il enlève le pull qu'il avait en plein truc, et il met la chemise tout en truc. Et je voyais toutes les nanas qui étaient avec leur mec en train de dîner et tout, elles étaient toutes comme ça, des grands sourires continus. C'est dommage que t'aies pas envie de mettre un short. C'est pas bon ce que t'as écrit. Nature, quoi. Nature, personne n'est venu se plaindre. C'est juste tellement sympathique, tellement proche des gens, tellement de toute façon, voilà. Sans le rencontrer, Bono dégage un truc plus que solaire, plus que du charisme, plus que je sais pas quoi, plus que beaucoup d'autres. Il y en a pas beaucoup à son niveau, mais alors. Il faut dire aussi une chose, c'est que tous les grands artistes, ils ont une obsession, c'est leur public. Ils sont très très respectueux. Sans eux, ils sont rien. Donc... J'ai jamais entendu ni autant entre eux. Ils peuvent se dire des vacheries. Des... Mais le public, ils sont au service de leur public. Et ça, c'est pas du cinoche. Quoi. C'est pas comme les politiques qui sont en empathie au moment où il y a eu le truc et puis le lendemain ils vont être en empathie parce que c'est leur boulot. Les artistes, on voit bien que c'est du fake depuis 30 ans les politiques. Voilà, on a dit qu'on parlait pas de politique, ouais, mais on peut parler. Eux, ils ont cette empathie là pour les gens. Ils sont touchés par les gens. Ils sont touchés par le public, ils sont touchés par. Et ils sont inquiets de savoir si le public va aimer, pas aimer. Ils sont inquiets du prix des places. Est-ce que c'est cher? Est-ce que c'est ci? Est-ce que c'est là? Franchement, même sur les Vieilles Canailles, on a eu une vraie discussion parce que Eddie considérait que les places étaient trop chères. Mm-hmm. Sauf qu'il fallait amortir ce truc-là, qui était quand même un gros barnum. Donc on a eu une vraie discussion. Mais Eddie, lui, il a une politique tarifaire qui est assez. Pas très élevée pour. Pouvoir faire tout venir le maximum de gens. Donc je veux dire que c'est pas des gens qui sont insensibles. Ils sont très sensibles à la nature humaine et à leur congénère, bien sûr. Oui, ils sortent pas de la limousine pour rentrer dans la salle de spectacle et dire c'est moi la star, je chante. Non, mais ils peuvent le faire, mais ils sont en empathie quand même avec mais les avant, gens. Ils ont blessé, Elton, avant, ils sont oui, oui, voilà, du ils prix sont des places. Bah, oui, mais c'est justement c'est pas parce qu'ils sont dans leur limo que ils sont pas en empathie avec les autres. En tout cas, ceux que j'ai croisés, avec qui j'ai eu la chance de travailler ou de collaborer d'une manière ou d'une autre, quoi. On vous l'a dit que ça serait intéressant que Valérie Zetoun vienne dans le Radio Club. La preuve, depuis qu'il a démarré l'émission, que nous avons démarré l'émission. Deux titres. Hein, on a écouté deux titres et demi. Et de 2 minutes 18. Et 56 anecdotes. Pas de maxi, incroyable. Pas de remix, pas de live. Alors, tu nous as dit cette semaine, en préparant l'émission, tu disais, bon, ok, les gars, je viens avec de la musique, mais j'aimerais bien faire écouter aussi des trucs, des documents incroyables qu'on a écoutés et qu'on a peu écoutés, qui sont soit passés à la télévision, en tout cas qui ont été enregistrés à l'INA. Ouais. Toi, t'en as extrait des extraits, tu en as pris quelques extraits, et tu dis j'aimerais bien qu'on passe ce truc-là, ces trucs-là, ouais. parce que ça veut dire quelque chose, ça exprime entre les artistes des rapports parfois tendus, parfois un peu compliqués ou totalement l'inverse d'amoureux et choses comme ça. Et alors là, tu nous as dit tiens. J'aimerais bien qu'on passe un extrait, en fait, c'est la rencontre, en fait, c'est la première fois qu'ils se rencontraient. Non, ils se connaissaient, en fait, cet extrait, c'est une rencontre. Ils avaient un point commun. C'est une rencontre entre Michel Berger et Serge Gainsbourg, qui ont un point commun qui est France Gall, puisqu'ils ont évidemment tous les deux écrit pour elle, sauf que Gainsbourg était un peu jaloux parce qu'il n'avait pas réussi à la pécho. Ah ouais. C'est ce que je comprends quand il parle là. Et surtout, France Gall n'avait pas du tout compris ce qu'étaient les sucettes à l'ANI. D'ailleurs, ils vont en parler dans l'extrait que vous allez entendre. Mais je voulais vraiment faire entendre ça. Pourquoi ? Parce qu'on a deux monstres sacrés qui sont tous les deux derrière un piano et qui parlent des chansons qu'ils ont écrites d'abord pour France Gall, puis pour Françoise Hardy. On sent qu'entre nous, il y a une sorte de compétition, mais on sent que Gainsbourg est un peu agacé par Michel Berger, qui le prend un peu de haut. Il est un peu jaloux, peut-être, non ? Non, mais il le chambre. Il le titille. En tout cas, bon, on sent que c'était pas le grand amour entre eux. Ouais. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à l'époque, les artistes, quand ils se tiraient la bourre, ils le faisaient derrière un piano et ils faisaient les chansons qu'ils écrivaient pour les autres. Il y avait quand même s'ils s'aimaient pas trop, il y avait un échange. Aujourd'hui, ils se balancent des bouteilles de parfum dans la gueule dans les aéroports. Donc il y a quand même une évolution très bizarre de notre société. On est bien d'accord. Mais en tout cas, écoutez bien cet extrait parce que Gainsbourg est à mourir de rire. Évidemment, je suis très content de pouvoir recevoir un auteur-compositeur qui fait des chansons si belles depuis si longtemps. Qu'est-ce que c'est insidieux depuis si longtemps. On se retrouvera en 1999. Oui, on verra. Quand tu auras 20 ans de métier, moi je serai déjà 6 pieds sous terre. D'accord. Bon, mais il y a une différence entre nous, c'est que toi t'as écrit des chansons. Il y a un point commun. Il y a un point commun, il y a une différence, c'est que moi j'ai jamais fait de chansons pour Dan Birkin, toi t'en as fait. Ah, mais France Gall m'a sauvé carrément la vie, puisque j'étais un marginal, et puis je vois ici copyright 1964, pas idole, en 65. 64 65 Eurovision, un peu de sang. Oh là là là là. Et là j'étais, les portes sont ouvertes. Ouais. Et tu n'es plus un marginal, c'est plus un marginal, mais c'est toi qui es avec France Gall. Alors, ah oui, c'est ça. Ah oui, c'est ça, exactement. Bon, alors ça a commencé comment? Avec quoi? Ça a commencé avec N'écoute pas les idoles, j'imagine. Ah d'accord, mais moi j'écoutais déjà beaucoup les... Je vais donner le plus joli couplet. Ah oui, tu choisis le meilleur, évidemment. J'ai peur et je te résiste, tu sais pourquoi. Je sais bien ce que je risque seul avec toi. Pourtant j'irai chez toi puisque c'est comme ça. Rien que pour casser tes disques, tu ne pourras plus écouter les idoles. Ça t'apprendra que moi seul je suis folle. Folle de toi. T'as l'air sain, j'entends que je suis folle, oui. Folle de toi. Bien entendu, bon. dans la bouche de oui, France, n'est-ce pas? Bien sûr. Moi, c'était plus romantique, la rencontre que j'ai eue avec France. Parce que je lui ai écrit un texte que j'avais envie qu'elle dise. Mm. Puis elle y a tellement cru que finalement, ça s'appelait la déclaration. Oui, interférence avec la vie privée aussi. Quand je suis seul et que je peux rêver, je rêve que je suis dans tes bras. Je rêve que je te fais tout bas. Qu'est-ce que tu fais? Une déclaration. Alors, toi, t'aurais écrit autre chose, évidemment. Ma déclaration. Ouais. Quand je suis seul, que je peux inventer, que tu es là tout près de moi. Je peux m'imaginer tout bas. Une déclaration. Ma déclaration. Juste deux ou trois mots d'amour. C'est un peu sucre dans la bouche. Pour te parler de nous. Deux ou trois mots de tous les jours. C'est tout. Oui, bien tout. Quand je suis seul et que je peux rêver, je rêve que je suis dans tes bras. Carrément la reprise. Je rêve que tu me fais tout bas. Qu'est-ce que tu fais cette fois? Une déclaration. D'accord, déclaration. Ma déclaration. C'est joli, c'est joli. Alors ça c'est Lola. Oh, écoute, ici, mais moi, ça c'est Baby Puff 64. J'ai pas amené de photo de Jenny quand elle avait 14 ans. Lolita. Ah oui. Mais dans Lolita il y a Lola, hit. Dans Lolita il y a hit. Ah, ça, tu c'est ne Baby peux Puff. Ignorer les dangers que représentent les libertés. C'était du vrai texte, hein. Les menaces de guerre semble se préciser. Ça n'a pas changé. À cet instant, baby, tu le sais, où tous les soleils vont se lever. Quelque part sur la terre. C'est de la vraie philosophie. Les balles sifflent, le sang est versé. Chante dans ce baby pop, comme si demain baby pop ne devait jamais baby pop. Jamais revenir. Chante dans ce baby pop, comme si demain baby pop, au petit matin baby pop, tu devais mourir. Je veux dire que ça balançait quand même. Et pessimiste. Ça balançait, mais c'était un vrai texte, donc tu lui as pas écrit des chansons cochonnes. Non, on dit toujours un poète assassiné par la société de consommation, c'est une connerie tout ça. Ah bon? Hein, voyez un peu. Alors, ça balançait pas mal aussi. Ça rigolait sec. Et que chacun se mette à chanter. Encore des rimes. Et que chacun se laisse emporter. Eh oui. Chacun contre l'autre serré. Ça suit, ça balance. Chacun contre l'autre enlacé. C'est marrant quand tu fais les compliments, faut en profiter alors. Eh. La musique. On est trop faible pour s'entretuer. On est trop seul pour se détester. Pour la suite. On est trop mal pour s'en rajouter. On est trop rien pour se déchirer. Les uns les autres musiques. Déposons nos armes à nos pieds. Renvoyons chez elles nos armées. Jetons à terre nos boucliers. Claquons les doigts et frappons du pied. Oui. c'est efficace. C'est efficace. Ça, on sait pas si c'est gentil ou méchant. Efficace. Ah, attention, les sucettes, ça va plus loin. Ah. Alors, d'abord, c'est une chanson que dont France n'a absolument rien compris. Mais heureusement. Je dirai la suite tout à l'heure. Annie aime les sucettes. Les sucettes à la nuit. Les sucettes à la nuit d'Annie. Donnent à ses baisers un goût anisé. Lorsque le sucre d'orge parfumé à la nuit coule dans la gorge d'Annie, elle est au paradis. Non, là, le pont génial. Pour quelques pénis. Formidable. Ah, c'est sucette, merci. Annie, oui, je le pense vraiment. Elles ont la couleur de ses grands yeux, la couleur des jours heureux. Elle a à ce point rien compris à ce texte. C'est qu'elle a dit à quelqu'un ces derniers temps, pourquoi, qui lui demandait pourquoi elle ne changeait pas les sucettes. Elle a dit, c'est plus de mon âge. Oui, bon. C'est beau, ouais. Enfin, c'est la chanson géniale qui lui a fait le plus de mal, évidemment, parce qu'on la comprend. Donc, une fille depuis quoi, Lolita. Ça, c'est simple, mais c'est romantique. Ouais, ouais. Toi, le retour, la lune en secret. Viens, je t'emmène. Où les nuages tristes vont s'amuser. C'est encore des rimes en tiens. Viens, je t'emmène. Où le soleil le soir va se reposer. J'ai tellement fermé les yeux, j'ai tellement rêvé. Bien, je t'emmène derrière le miroir, l'autre côté. Bien, je t'emmène pays du vent, pays des fées. J'ai tellement fermé les yeux, j'ai tellement rêvé que j'y suis arrivé. Le Radio Club, document extraordinaire. C'est drôle, c'est vous énorme. Avez vu. Énorme. Et quand il lui dit encore des rimes en « et », ouais. Il se moque de, mais il se moque ouvertement de lui. C'est une espèce de battle qui n'était pas forcément très sympa entre les deux. Hein. Et vous sentez que Berger, qui est quand même Michel Berger, il est très très tendu. Il a un rire très nerveux. Et quand il lui dit « efficace », il dit « oh, on ne sait pas si c'est drôle, ou si c'est gentil ou si c'est méchant, on ne sait jamais ». Il est en touché. Angoisse. Mais l'autre... C'est un monstre aussi. Gainsbourg, l'album Black Trombone, ça aussi, ça fait partie des albums que si vous ne les connaissez pas, je parle évidemment à ceux qui nous écoutent, s'il y en a qui n'ont pas entendu une fois dans leur vie Black Trombone, alors je les envie parce que moi, la première fois que j'ai entendu Gainsbourg là-dessus, ça m'a rendu fou d'amour de ce mec-là qui était bon. Et puis, et rappelez-vous, on remarque là-dessus, si je peux me faire permettre une réflexion. C'est que Gainsbourg chantait d'une justesse grave. C'est fou. Très bon. Il n'a pas une voix de ténor, évidemment, mais ça, on s'en fout. Il chantait d'une justesse terrible. Puis rappelez-vous, quand on était minot, Gainsbourg à la télé, c'était un événement. Oh là là. Le mec avait le sens du marketing. Quand il prend un billet de 500 balles, un Pascal, et qui dit, regardez ce que je paye comme impôt, et qui brûle le billet, les trois quarts, ouais. Et qu'il se paye le lendemain, tout le monde parle. C'est-à-dire que c'est la campagne de pub la plus énorme de l'histoire du show business qui a coûté 450 balles. Il a resté 50 balles. Ça, bah oui. Mais voilà ce qui me reste. Bon, mais le mec, moi j'habitais pas loin de chez lui quand j'étais ado, donc il était très connu à Saint-Germain-des-Prés, Gainsbourg. Il appelait les flics, les quarts de flics. Ouais. Il montait avec eux, il prenait du pastis, il faisait le tour avec eux, il était pote avec eux, il filait des bifetons à tous les gars qui passaient, qui avaient pas de thunes. Et c'était un. Lui aussi aimait tellement les gens, il a tellement souffert qu'on dise qu'il était sale. Ce qui était faux, il avait 50 blazers les mêmes. 50 chemises blanches, 50 jeans chemise et 50 jean, paires de répétos, ouais. qui changeaient. Mais il est incroyable. Après, j'ai un reproche à lui faire, c'est qu'un jour, dans une émission de Pivot, pour faire chier Guy Béard, qui en faisait 3 tonnes sur la chanson française, etc., Gainsbourg lui dit « la chanson est un art mineur ». Parce que pour les arts majeurs, il y a une préparation, hein, pour être, il y a une initiation pour être architecte, il y a une initiation pour être écrivain, il n'y en a pas pour la chanson. Et il nous a fait beaucoup de mal, parce que du coup, les pouvoirs publics, les ministres, les gens de d'État qui aident les corporations, ben se sont dit, si Gainsbourg, qui est la star des stars, dit que la chanson est un art mineur, alors bon, bah c'est le cinéma, c'est ci, c'est là, c'est le seul truc. Mais il a fait ça pour faire, pour dire un bon mot, et surtout pour faire chier Guy Béard qui en faisait des caisses. Bon, mais il n'y a pas de musique française sans Gainsbourg. Il n'y a pas non plus de charme sans Gainsbourg. Gainsbourg n'a pas la gueule de Dutron, et il a un palmarès extraordinaire des femmes les plus françaises, les plus belles, les plus intelligentes. Et je veux dire, bon, et il a, c'est pas, et il a Whitney Houston aussi. Et il a fait d'armes avec Whitney Houston. Façon de draguer aussi. Fabuleux. Moi, ce qui m'épate dans ce donc on est sur la scène de d'un Champs-Élysées, Michel Drucker. Ouais. Michel Drucker, Gainsbourg et l'autre. Et Whitney Houston qui arrive et I want to fuck her. C'est ça. L'autre, je veux la baiser. En anglais, ça veut dire ça. Oui, elle comprend. Elle a 19 ans. Et elle est apparemment, a priori, elle n'a pas encore vu le loup. C'est quoi ce mec-là? Et Drucker, la gueule de Drucker, il sait plus où se mettre. Ah, il sait plus. Fabuleux. Il voit son dernier jour, Drucker. C'est fini. On a l'impression qu'il se dit, putain, c'est fini, la télé pour moi, c'est fini. Mais moi, j'ai revu par nostalgie il n'y a pas longtemps, et je vous le conseille, Le jeu de la vérité de Gainsbourg. Ah oui? Magnifique. Donc c'était avec Sabatier. Ouais, il y avait Coluche qui l'avait fait, il y avait que les stars, voilà. Mais rappelez-vous quand même qu'on avait une période là où les chanteurs, c'était pas que des chanteurs, c'était des gens. Moi, quand Gainsbourg est mort, j'ai pleuré. Mmh. J'ai perdu mon père, mon grand-père. Il était proche de nous. J'ai pleuré. Quand Coluche est mort, j'ai pleuré. Je veux dire que le métier avait des gens qui faisaient rêver les Français. On en a moins aujourd'hui, on a moins d'acteurs. Regardez, quand Delon a eu sa palme d'or, ça y est, un événement. Il y a même des gens qui ont fait une pauvre pétition pour l'emmerder. Mais je veux dire, on allait voir Delon, on allait voir Gainsbourg. Enfin, je veux dire, c'était une période où peut-être qu'il y avait moins d'artistes, mais plus stars, j'en sais rien. En tout cas, c'est partie de nos vies, hein, tous ces gens-là. Oui, c'était notre famille. C'est un peu la famille. Puis c'est des gens qui avaient des choses à dire, qui avaient à raconter. Coluche, les Restos du Cœur, ça. Et toute la carrière de comique avec tout ce qu'il a dit. Tout ce qu'il a dit. Et puis Coluche qui chante, on n'est pas là pour se faire engueuler avec le grand orchestre du Splendide. C'est quand même fabuleux. D'ailleurs, tu sais qu'il a eu cette fameuse phrase, puisque nous sommes dans une journée d'élection, il a dit, si ça servait à quelque chose de voter, il y a longtemps que ce serait interdit. Voilà. Non, QFD. Donc là, document avec Michel Berger, Serge Gainsbourg. On parlait de France Gall. Voilà. Quand tu évoques France Gall, tu as les yeux qui brillent. T'étais un peu amoureux ou pas? Non, pas du tout. Je suis pas très galien. Non. Je suis amoureux de Véronique Sanson. Moi, entre les deux, c'est Sanson. Mais alors, de très très loin. Mais Sanson, je perds mes moyens. Je suis incapable de lui dire bonjour. Donc, pourquoi j'ai mis ce titre de France Gall? D'abord parce qu'elle est en duo avec Elton John. Donc j'ai c'est l'occasion de saluer la sortie du film d'Elton qui paraît-il phénoménal d'après les quatre copains que j'ai qui l'ont vu à Cannes, d'une part. D'autre part, ça me permet de vous raconter une petite histoire marrante au début de carrière. J'étais attaché de presse télé et Elton vient faire une télé à Paris qui était Jacques Martin, sous vos applaudissements. Et donc il est en train dans sa loge avec son maquilleur personnel, etc., évidemment, toute son équipe. Il est en train de se préparer, et puis la porte est ouverte, entrouverte, je suis devant, et il y a je sais plus qui me demande qu'est-ce que porte Elton John comme veste, et il avait une veste bleue avec des perles blanches. Et donc, moi, alors la nana me dit en anglais, et je lui dis How you wear a blue jacket with oysters. Donc, je dis, il a une jaquette bleue avec des huîtres. Des huîtres. Et j'entends, je sais que je suis quand même assez taré pour m'habiller comme ça, mais pas à ce point-là quand même. Et il sort de là, il dit, qui est le petit qui a dit ça? Il était mort de rire. Et à partir de là, il m'a adoré. Ouais. Il s'est souvenu de Valérie Zetoun parce que j'ai eu une erreur de langage et que j'ai dit qu'il portait des huîtres. Et à chaque fois, quand il est venu ensuite à Paris... Il chambrait sur les huîtres ou quoi? Oui, il a toujours un bon mot et tout. Et un jour, il vient faire Nulle Part Ailleurs. Mmh. Et l'émission, c'est l'époque où Nulle Part Ailleurs avait un big band et un orchestre, oui, pas possible. Ouais. Et c'était, je crois, De Cônes qui présentait. Et l'émission... prend la tête, dit, il faut qu'il chante, et Londe me dit, il ne chantera pas. Donc je refuse à chaque fois, et l'émission te met la pression, parce que c'est quand t'es entre les deux... Donc c'est toi qui faisais l'interface entre... Oui, alors toi, tu veux faire plaisir à ton média, parce que t'as pas que Elton, t'en as d'autres, et puis t'as des jeunes artistes, t'es content quand le média te prend un artiste en développement. Et t'as envie de lui faire plaisir, mais en même temps, t'as les Anglais, les Américains, et les managers qui s'en battent, tu vois, si tu les connais pas bien, bon... Alors, et là... j'étais très très proche de son ex-manager qui s'était cassé, et il avait un nouveau manager qui voulait faire le kéké. Donc ils arrivent, il est dans sa loge avec son mec, ils ont fait des courses, et heureusement j'avais renvoyé les bagnoles pour bouffer, parce qu'on était dans l'émission pendant une heure et demie, donc j'avais dit au chauffeur, allez dîner, c'était heureusement. Donc on est dans la loge, et le nouveau manager, il y a le type qui met les ears, tu sais, pour les retours, qui arrive, il cogne à la porte et je dis au type, non, mais vous allez où, vous, ça se passe pas comme ça, c'est le guidelines, vous devez pas toucher Elton, parce qu'il aime pas, il veut pas qu'on le touche, et le manager il me dit, de quoi tu te mêles? Je lui dis, je sais pas, moi ça fait 5 ans que je bosse là avec Elton, je connais. Il me dit, maintenant tu connais rien, c'est moi qui décide, donc tu le laisses rentrer, le mec. Donc le mec rentre. Là, il y a Elton qui regarde ce mec qui arrive et qui dit, bonjour, je vais vous mettre les ears. Et Elton, il dit, mais qu'est-ce que vous allez rien me faire du tout? Et tout d'un coup, il pète un câble et il se casse. Il prend tous les sacs et il se barre. Oh putain. Et attends, il est 8h-10. Et il est en live sur le plateau de la télé à 20h. Et là, je regarde le manager et je le suis. Je pars avec lui. Il part avec son mec et... toute l'émission nous regarde, vous allez où? Je dis, on a oublié un truc dans la bagnole, tu parles. Moi, je suis en panique totale, je vais me chier dans mon ben, quoi. J'étais avec mon patron de l'époque, qui n'est plus là, mais j'ai une vraie pensée pour lui, qui s'appelait Yann-Philippe Blanc. Mm-hmm. On descend dans le parking, là, il n'y a pas les bagnoles, l'autre, il devient fou, il dit, j'en ai plein le cul, ça fait 20 ans que c'est les mêmes histoires, pourquoi on m'a envoyé ce mec, etc. Bon, donc, et là, il me regarde et il voit la mort dans mes yeux. Je suis mort, moi, l'émission derrière, ils ont pas l'invité, machin. Et ils pensent que c'est toi à ce moment-là, je sais pas, mais en tout cas, ça l'ont hystéro, parce que c'est l'envers de la. Il faut comprendre que ces gens-là, quand ils font des tournées, les gens disent ils exagèrent, machin. Mais si tous les jours t'as un casse-couille, c'est plus un plaisir de faire des tournées. Oui, donc il faut que ça soit carré. C'est... donc parce que bon, donc et là ils me regardent, ils voient là et ils remontent. Et puis il remonte, et il nous a fait un sketch, hein. C'est-à-dire ça a duré 5 minutes, je me suis jamais fait autant gueuler de ma vie. Hein. Mm-hmm. Il remonte, il va sur le plateau direct, il met ses ears, il rentre, il commence sur le plateau, etc., etc. Et puis à la quatrième question, il fait et on a assez parlé là. Et là, il monte dans l'orchestre, il pousse le pianiste, il se met au piano et il démarre et il fait 2 ou 3 titres. Oh là là. C'est-à-dire qu'il fait ce que il avait refusé de faire. Ah ouais. Énorme. Et donc il fait ce truc. Moi, je suis là. Oh, je suis comme un gueulin. À l'époque, champagne pour tout le monde. Ah ouais. Attends, je m'en siffle une demi là, pour les 3 titres et tout. Mmh. Et regarde, il sort de cette. Donc quand il sort du truc, là, je suis là. Il m'en regarde et il me dit, t'as aimé les 3 titres? Je dis ouais, merci Elton. Et c'était sa manière à lui. De pas de s'excuser, mais de dire bon, je vous ai engueulé, vous avez fait une connerie, c'est pas grave. Et t'as vu, mais tu sais quoi, le fin mot de l'histoire, c'est qu'il a su que c'était pas moi et que c'était son manager qui l'a arrêté. J'en sais plus parce que c'est des vieilles histoires, mais mmh. il l'a su et ça a renforcé encore l'image qu'il avait de moi que j'ai pas balancé, que j'ai pas fait gna gna gna, j'ai bouffé le truc, j'ai fermé ma gueule. C'est comme ça. Autrement, t'es plus crédible, tu vois. Mais voilà. Donc c'est pour ça. C'est d'abord c'était pour vous vouliez des histoires, je vous en raconte. Et c'est pour ça. Et puis j'adore ce titre qui est vachement swing, qui est frais. Et puis à l'époque, ça sortait de nulle part. On s'attendait pas à ce que France Gall fasse un truc avec Elton John, quand même. Ouais. Tu vois. Donc, bah écoute, t'as fait de la radio, vas-y, balance. Et ben voilà, c'est ben, tout de suite, donner pour donner. Mais qu'est-ce qu'il fait, le petit, il se déshabille là ? Qu'est-ce qui se passe ? Ah bon, j'ai eu peur. Non, il a un rencard, c'est pour ça. Et il peut pas rester jusqu'à la fin. C'est... Donner pour donner, alors, France Gall et Elton John. C'est quoi le nom de l'émission ? C'est le Radio Club, non ? Je crois bien. Oui, c'est ça. When a hand is silver lining, when a crime to make the headline news, if it's a matter for decision, you and I can be the ones to choose. Je te donne mes espoirs cachés. C'est la seule façon de vivre. C'est la seule façon d'aimer. C'est pas la peine de vivre enfermé. C'est pas la peine. Pas la peine de rester couché. Non, c'est pas la peine. Je te donne sans rien demander. La vie c'est déjà si compliqué. Je te donne mes sourires moqueurs. Je te donne ma force, ma douceur. Je te donne mes secrets fragiles. La vie c'est déjà si difficile. C'est la seule façon d'aimer. Donner pour donner. C'est la seule façon de vivre. C'est la seule façon d'aimer. Oh, donner pour donner. De donner. C'est la seule façon d'aimer. C'est la seule façon d'aimer. C'est la seule façon de vivre. seule façon d'aimer. Philip Thorne, Octua Leg, theradioclub.com. Well, your friends with their fancy persuasion don't admit that it's part of a scheme. And I can't help but have my suspicion, baby, 'cause I ain't quite as dumb as I seem. You said that you never intended to break up our scene in this way. Oh, there ain't any use pretending, babe. It could happen to us. Chambre de bonne avec Philip Thorne, Arthur Legg et notre invité aujourd'hui Valérie Zetoun. How long, combien de temps, Paul Carac, ce polo. Ouais, ça nous rappelle il y a très longtemps, musique californienne, bon, une Cadillac, une jolie fille à côté, un highway, le soleil, tout ça. Oh, Santa Monica, 25 miles, oh, c'est cool. Non, c'est pas grave. Tu nous fais rêver. Ouais, il y a longtemps que je te fais ma rêver. Ma petite chatte. Mais toi, tu vas te calmer, oui. Je vais y aller parce que c'est chaud là. Ouais, en bas, ça fait quelques années, quelques mois qu'on se connaît, alors. On a des interludes, on a des interludes. Ouais, voilà, c'est ça. Valérie, on parlait tout à l'heure de tout ce que tu as fait, évidemment. Cette anecdote est truculente avec Elton John. Les artistes internationaux. T'en parlais hors antenne tout à l'heure, notamment Sting, et puis il y en a eu d'autres aussi, McCartney, il y a eu plein de gens comme ça. Bah McCartney, j'ai malheureusement pas eu la chance de l'approcher ni de travailler avec lui, mais musicalement il m'a construit. D'abord, bon, évidemment les Beatles. Évidemment. Alors j'avais hésité, mais on parle beaucoup, et j'ai amené beaucoup de disques, mais évidemment que les Beatles ont fait partie de la colonne vertébrale de ma culture musicale, comme beaucoup de Français, parce que ils ont c'est impressionnant d'avoir deux génies dans le même groupe, hein. Les mecs sont quatre, sur les quatre t'as deux génies incontestables, Lennon et McCartney. Et tu crois qu'ils sont devenus génies, ou est-ce qu'ils avaient ça déjà? Non, je crois que tu l'es. Ouais. Et puis c'est une carrière très courte, mine de rien, parce que c'est à peine, c'est je crois, c'est 7 ans, 8 ans. Ouais, même pas 10 ans. Même pas 10 ans. C'était des albums qui étaient enregistrés très rapidement. Et rentrés, 3, 4, allez, boum, une prise, 40 minutes, l'album était... Le lendemain, c'était en radio. C'était en radio. Et puis, il faut se souvenir aussi que quand ils faisaient des concerts, il n'y avait pas les conditions techniques et technologiques d'aujourd'hui. C'est-à-dire, ils étaient en mono, il fallait qu'ils braillent, hein, parce que dans les stands, on entendait plus les fans gueuler qu'il fallait y aller. Hein, ça couvrait les amplis. Bah, c'était du mono. On a tendance à oublier qu'aujourd'hui, avec la technologie, tu fais tomber une pièce, tu peux l'entendre à 7 km si tu envoies les watts. À l'époque, c'était pas le cas. Donc, sans que ça fasse mal aux oreilles. Et puis, des artistes qui avaient le sens de la formule. C'est-à-dire que quand Lennon ose dire aujourd'hui les Beatles sont plus connus que le Christ, la moitié de l'Amérique prend les albums des Beatles et les brûle. Les DJ dans les radios disaient amenez vos disques des Beatles cet après-midi, samedi après-midi, à la place à côté de la mairie, on va les brûler. C'est-à-dire, c'est fou. On n'entendait que ça. C'est une overdose de. Non, il dit dans un pays très religieux, il donne une interview, il dit aujourd'hui les Beatles sont plus connus que Jésus. D'accord. Et ça a un peu vexé. Quoi. Ça a vexé les grenouilles de Bénitier. Bon. donc, ils ont brûlé leurs disques. Bon, il a un sens de la formule extraordinaire, Lennon. Un jour, on lui dit, le mec lui dit, Are you a mob or a rocker? Et il dit, I'm a mocker. Bon, il a amené le côté très rock aux Beatles. McCartney a amené le côté très pop. Ils ont été branchés aussi parce que Lennon était plus branché que McCartney, mais ils ont été superstars aussi parce que McCartney faisait des mélodies qui étaient tellement énormes. Bon, et alors là, il nous a fait une surprise. Moi, le groupe de rock dont je suis fan, c'est Led Zeppelin. Bien, dans Led Zeppelin, tous les mômes qui font de la batterie et qui connaissent un peu le rock s'accorderont à dire que le plus grand batteur de rock mondial, c'est John Bonham, qui était le batteur de Led Zeppelin. Faut savoir que j'ai lu, il y a une bio phénoménale sur Led Zeppelin qui est faite de toutes les coupures de presse qui ont été faites sur eux et qui retrace un peu toute la carrière du groupe, et tout le monde disait que John Bonham était un batteur hors pair, mais que c'était un sale con dans la vie. C'est-à-dire qu'il était capable de d'être pote avec toi et de te gauler ta nana pendant que t'allais pisser, quoi. C'était de ce niveau-là. Ouais. Mais attention, le mec avait une frappe très dure, et notamment sur la grosse caisse. Et il trouvait que les grosses caisses ne tapaient pas assez fort. Et il a eu l'idée un jour de demander au fabricant d'enlever la lanière et de la remplacer par une chaîne à vélo. Donc il a fait évoluer, lui tout seul, un batteur a fait évoluer, parce que de ce jour, toutes les batteries ont eu des chaînes à vélo. Bon. En même temps, le mec est mort d'une overdose. De chaîne de vélo ? Non, il est mort d'une overdose. Il s'est étouffé avec son vomi à 32 ans. Oh, et 32 piges. Il ne s'est pas réveillé. Il s'est pris une cuite. Il s'est endormi. Il ne s'est jamais relevé. Bon. Et donc, pourquoi je vous raconte ça? Parce que le titre qui arrive, c'est un titre des Wings. Moi, pour moi, les Wings, donc c'est le groupe de McCartney tout de suite après les Beatles, qui monte avec sa femme de l'époque. Linda. Linda, qui d'ailleurs, pour la petite histoire, était l'héritière Kodak. Donc elle était plus riche que Paul McCartney, fallait le faire. Il fallait parce faire. Que Kodak, c'était lui, la plus sœur. Grosse. Voilà, c'était la plus grosse fortune allemande à l'époque. Bon, elle est morte, la pauvre. Et donc, cet album, pour moi, c'est l'album At the Speed of Sound. Ça fait partie des mes 5 albums de chevet que je peux pas dormir. Tu t'emmènes sur une île déserte. Ouais, j'en ai 4. Enfin bon, bref, je l'ai 2 fois en CD, 3 fois en album. Bref, et en 2014, McCartney nous fait une surprise totale. C'est qu'il y a un morceau qui s'appelle Beware My Love, qu'on va écouter d'ailleurs. Mmh. Et en 2014, il sort le morceau en disant, bah voilà, je vous fais une petite surprise, c'est qu'à la batterie, il y a John Bonham, donc le fameux batteur de Led Zepp. On avait enregistré ça, j'avais complètement oublié que j'avais cet enregistrement. C'est totalement inédit, donc il y a 1 minute de moins que la version originale. Et c'est Bonham à la batterie, et vous allez pouvoir, en tout cas les auditeurs, entendre ce que c'est qu'un grand, grand batteur de rock. Pas grand chose à rajouter. Le Radio Club avec Valérie Zetoun. Hashtag en direct de la chambre de bonne. Dans le Radio Club, Can't Stand Losing You. On parlait de batteur, de putain de batteur tout à l'heure avec les Wings. Et il y avait un putain de batteur chez Police. Chez Police aussi, Stewart Copeland. Bien sûr. Les contretemps, les machins, le mec, ça lui, c'est un dingue. C'est un dingue. Le choix, évidemment, de Valérie Zetoun, c'est pas nous. Hein. Nous, on fait le warm-up entre 14h30 et 15h. Et après, on bosse plus, nous. Après, nous, on prend le rien. On est au bord de la piscine. On bosse en sous-marin, quoi. Avec un petit cocktail, on dira pas que c'est du Moroto, parce que non. C'est interdit, il faut boire avec modération, mais voilà. Et après, c'est l'invité qui fait tout. Et alors en fait, Police justement, et c'est une excellente transition, vous êtes un grand professionnel de la radio, messieurs, si bravo. Tu savais. Et en fait, moi je suis allé chez Stewart Copeland. Tu seras gentil, tu le mettras 4 places. Oui. Je suis allé chez Stewart Copeland à Los Angeles, chez lui, dans sa baraque, parce que j'y étais à l'occasion d'un voyage que j'avais fait. Parce qu'on voulait exporter Faudel aux États-Unis à l'époque où Faudel était une jeune star ici. À l'époque et où il chantait pas pour Sarkozy. Voilà, c'était bien avant. C'est dans les années fin 90. Il avait 15 ans le gamin. Ouais. Et le gars qui s'occupe un peu des artistes français, c'est le frère de Stewart Copeland qui s'appelle Miles Copeland, qui est très connu pour importer toutes les musiques d'Afrique et d'Afrique du Nord. Bon, il est spécialisé là-dedans. Et donc, il me dit, écoute... Gypsy King, par exemple, c'était passé par lui ? Non. C'était plus Khaled, tu vois. Plus tout ce qui est Afrique du Nord et Afrique... World. Et il me dit, ce soir, on va dîner chez mon frère. Voilà l'adresse. Venez me rejoindre. Moi, j'étais fier. Putain, je dis, merde, je vais te bouffer chez Stewart Copeland, quoi. Ouais. Et donc, Faudel aussi, parce qu'il connaissait Police et tout. Donc, on se pointe dans le truc. Et déjà, dans le jardin, je vois un mec un peu petit qui parlait avec un autre. Et j'ai dit, je le connais, je m'approche, et c'était Trevor Horn. Gros producteur. Mythique producer de Frankie Goes to Hollywood, de tous les gros sons de Seal, de tous les gros sons des années 80-90. Bon, côté Angleterre. Voilà. Donc je me dis, merde, il y a Trevor Horn, j'étais comme un ouf. Mais je voulais pas montrer, parce que là, t'es carrément fans, quoi. Tu vois, t'es là, t'es. Bon, et puis on rentre, et dans le salon. Qui est immense, donc belle maison à Los Angeles, je crois que c'était vers Bel Air ou je sais plus, enfin bref. Avec les palmiers de. Mais magnifique. Et dans le salon, je vois une photo semi-géante de l'Ayatollah Khomeini. Donc je suis comme ça. Ah ouais. Faudel, il voit ça, il me dit Valérie, t'es sûr Et là, putain. Miles Copeland me dit non, mais c'est pour rigoler, vous savez. C'est de l'humour. Il me dit c'est de l'humour. Mais il me dit mais est-ce que tu sais que notre père, à Stewart et à moi, a créé la CIA dans les pays arabes dans les années 50. Et que le père Copeland, et ça c'est vrai, vous pouvez. C'est dans le... les livres. Oui. Vous le trouverez. Et c'est lui, il était proche de Nasser, le président égyptien, et il a créé toutes les ramifications de la CIA dans les pays arabes de cette époque-là, et notamment en Égypte. Ce qui explique il me dit, mon père c'était une sorte de Laurence d'Arabie, voilà. C'est l'histoire de Laurence d'Arabie, c'est ça. Donc voilà, sachant que j'en fallait quand même déjà avoir des couilles pour mettre une pancarte. Non mais voilà, c'était alors pour lui c'était de l'humour. Bon, mais je me souviendrai ça toute ma vie, c'est-à-dire le premier truc, c'est tu vois à un jardin magnifique, Trevor Horn, boum, l'Ayatollah Khomeini, boum, et l'autre qui dit mon père était dans la CIA. Quoi. La soirée d'Iréel. Non, mais comme quoi, la musique, ça amène à tout et à rencontrer des gens quand même assez ah, assez comme humour, tout c'est ça sûr. Avant Netflix. Hein. Ouais, tout ça avant Netflix. Bah oui. Non, c'est. Alors, on parlait tout à l'heure, puisqu'on parle de Netflix, on peut en toucher deux mots quand même, parce que ça te tient à cœur, et puis nous aussi, parce qu'on est des grands fans de Quincy. Ah. Bah oui, oui. Bah, vas-y. Quincy, alors, oui, c'est ce qu'on se disait tout à l'heure. Moi, tout à l'heure, par rapport à Barclay, par rapport à. Bah, je trouve que dans le docu de Netflix, il y a un truc qui manque, c'est que il dit pas qu'il a été 5 ans directeur artistique chez Eddie Barclay en France à Paris, qu'il a fait 2 ou 3 albums, je crois, avec Eddie en big band, etc. Ça il passe un peu sur cette période des années 50 où c'est quand même Eddie Barclay qui lui a mis le pied à l'étrier aussi, parce que à l'époque profondément, non, je crois pas. Non, je sais pas, mais à l'époque, c'est quand même Paris, c'est une forte place du jazz. Faut savoir que la France, et c'est ça qui est incroyable, la France a une vraie proximité avec l'Amérique. Autant Lennon disait le rock français, c'est comme le vin anglais. Bon, mais mais par contre, regardez le rap, le hip-hop, la culture urbaine et la musique électro, c'est deuxième derrière les États-Unis. Je veux dire, deuxième c'est la France. Il n'y a pas les Anglais, les Italiens, tout ça, c'est des bidons. Ouais. Bon, dans le rap, mais dans le jazz, c'est pareil. On a des grands jazzman français, Ceccarelli. Je vais pas les citer là, mais je veux dire, donc Paris a toujours été une place forte pour le jazz, y compris pour des artistes comme Nina Simone, qui est venue, qui a quasiment fini sa carrière à Paris avant de finir aux Pays-Bas. Mais je veux dire que donc Quincy, à l'époque, quand tu vas à Paris dans le monde du jazz, tu vas pas à Grenoble, quoi. C'est une place forte du jazz. Donc c'est en ça que j'ai été un peu déçu. Bon, après, il est vrai que je suis fasciné par Eddie Barclay, non pas pour cette image d'Épinal qu'on a de lui, des fêtes blanches, ouais, et des 15 mariages, ça c'est une chose, mais derrière ça il y a un mec qui est tellement engagé dans son métier, que c'est lui qui importe le micro-sillon pour la première fois en France. Parce le vinyle, c'est lui. Mm-hmm. Parce qu'il en a besoin, et il a besoin que le support évolue pour pouvoir continuer à pousser ses artistes. Et alors, avant, on écoutait la musique sur quoi, alors? Eh ben, on écoutait, c'était les 78 tours, et puis c'était je crois que c'était la radio. Ouais. Beaucoup la radio. Vous savez, les artistes ont toujours été tributaires du support. Déjà, ça commence, les artistes classiques, ils étaient tributaires de qui ? Ils étaient tributaires de l'empereur, qui décidait si Mozart pouvait ou pas avoir les honneurs de la cour. Donc c'était l'empereur d'abord. Ensuite, ça a été le gramophone. Bon, il fallait faire des... Ensuite, ça a été les orchestres. Mmh. Il faut savoir que les chanteurs, ils chantaient, ils signaient avec un orchestre. Frank Sinatra, c'était pas lui la star, c'était Tommy Dorsey qui était le boss de l'orchestre. Donc c'était Tommy Dorsey et son orchestre, et accessoirement, il y avait un chanteur qui s'appelait Frank Sinatra. Il a fallu l'intervention des amis mafieux de Sinatra pour casser son contrat avec Tommy Dorsey, parce qu'il avait un contrat à vie avec avec l'orchestre. Sauf qu'il a dit non, Dorsey, il n'en a rien à foutre. C'était une star dans les années 40. Tommy Dorsey, c'est la star des États-Unis, comme Glenn Miller, pour parler d'un plus connu en France. Mais un jour, il sort de chez lui et puis il voit sa nouvelle Rolls là exploser, et là il comprend qu'il faut rendre le contrat du petit Sinatra, parce que bon, on va arrêter les conneries. Mais les artistes, les chanteurs étaient tributaires ensuite de l'orchestre, puis de la radio, puis ensuite de la télévision. La radio, vous êtes bien placé pour le savoir, si t'as pas de radio avec un artiste, t'es en galère. C'est quand même très compliqué à développer si t'as pas un minimum de radio. Bon. Alors on peut dire aussi à l'inverse qu'il y a eu des succès qui ne sont pas partis en radio, qui ont réussi, des artistes qui ont réussi à exister. La radio est venue après. Bon, heureusement. Mais ça a quand même été la radio. Regarde, dans les années 70, bon, on va peut-être dire on n'est pas si, mais t'avais RTL et Europe 1 qui lançaient les artistes. C'est-à-dire que t'avais Salut les copains guitare d'un côté, et puis par la suite, t'as eu Monique Lemarcy, que j'ai croisée il y a pas longtemps, qui a lancé quand même, je veux dire, elle est à l'origine de la carrière de Julio Iglesias. Elle est à l'origine de la carrière de Jean-Jacques Goldman. Elle est à l'origine de la carrière de comment Fanny, non Non. Cabrel. Mm-hmm. Je veux dire, bon, elle en a lancé des tonnes. Centaines. Bon, c'était des êtres humains. C'est-à-dire que c'était une programmatrice qui avait le pouvoir. Ah. Alors, ça peut paraître bizarre. On se dit, ah oui, c'est dangereux, quelqu'un qui a tout pouvoir. En attendant, elle a été à l'origine de plein de carrières parce que RTL était la plus grosse radio de France. Ensuite, il y a eu les FM, Énergie, etc., etc., qui ont aussi contribué. Et aujourd'hui, tu as Internet. Donc, vous voyez que les artistes ont toujours été tributaires du support. C'est très compliqué quand on est artiste. Aujourd'hui, je vois que les jeunes rappeurs sont très malins. Ils savent qu'ils ont des communautés de fans. Donc, ils sortent 40 titres, pas 10 ou 12. Ils en sortent 40. Pourquoi ? Ils se disent, si j'ai 10 000 fans, ils vont écouter mes 40 titres, ça va me faire 400 000 écoutes. Donc, ça va me faire plus de pognon à l'arrivée. Donc, ils calculent en fonction des revenus du système. Donc, ça a une implication sur l'artistique, toutes ces affaires-là. Ouais, parce que 40 titres, c'est énorme, quoi. Mais c'est énorme, et puis tu peux pas faire 40 de mon titre. Mais bon, voilà, c'est la règle. Il y en avait un qui y arrivait, c'était Prince. Hein. Il les mettait pas sur un même album. Quand il faisait pas un titre de 40 minutes. C'est récent, cette démarche. Maintenant, on parle aux États-Unis, ça existe, et puis on voit dans les billboards et machin, l'album vient d'arriver, et puis il y a 8 ou 10 titres. Ouais. Dans les classements, quoi. C'est ça, exactement. C'est comme ça. Ils arrosent. On sort le premier, lequel. Après, on mettra le deuxième. Ça c'était old school, ça. Voilà, ça change tous les six mois. Ça change les techniques de marketing complètement. Ça perturbe tout, quoi. Ça a révolutionné l'histoire. Et puis, on sait aussi que les artistes qui streament sont plus des artistes urbains ou rap que des artistes chansons françaises classiques. Oui, mais pourquoi ? Parce que ceux qui écoutent, c'est les gamins. La grande bataille du stream aujourd'hui, on l'a déjà dit dans cette putain d'émission, c'est la grande bataille, c'est d'avoir les adultes et le troisième âge, je sais pas si on peut appeler ça comme ça, les seniors qui se servent du streaming. Ça vient petit à petit. Non, mais ils s'en servent, mais c'est aussi, je pense que c'est une question de d'habitude de consommation. Quand tu bosses, t'as pas le temps d'écouter 28 fois le même single. Le gamin, lui, il est en cours, il est machin, il s'en fout, il met ses écouteurs. Ah, j'ai pas mat. Et toi, nous, on travaille. Quand tu travailles, t'as pas le temps d'écouter. Donc, tu l'écoutes quand? Le soir, le week-end, ton album préféré ou bon. Et puis, il y a une culture peut-être plus d'albums chez les anciens. Et de vieux plus, albums. Voilà, une culture de plus gold, single, ce qu'on appelle. Voilà, maintenant, c'est vrai que on est arrivé un peu au paroxysme de cette histoire, et que moi, je pense que on va revenir à de la musique organique avec des instruments. Je me suis laissé dire que les ventes d'instruments de musique repartaient. Mine de rien, et qu'il y a toute une nouvelle génération de mômes qui prennent la patience d'aller apprendre le solfège, parce que tout ce qu'on a écouté là, c'est énormément de travail. Les mecs depuis 14 ans, ils ont 14 ans, ils jouent de la guitare, ils s'entraînent, ils vont au conservatoire, ils savent lire la musique. C'est un sacerdoce, il faut s'accrocher. Il y a des Mozart qui circulent. Ouais. Pour faire pousser une plante, c'est en train d'émerger, une graine. Et puis il y a une tige, deux tiges, trois tiges, et ça prend du temps. C'est la nature prend du temps à se fabriquer. Et ben la musique c'est pareil. Alors évidemment on peut avoir des inspirations, on peut avoir des coups de grâce et dire tiens en deux heures j'ai fait un morceau, ce qui arrive aussi. Et c'est pas pour ça que c'est mal, mais ça prend du temps à fabriquer, ça prend. Ouais, et puis c'est bon, maintenant avec les ordinateurs tu peux faire des miracles, hein, mais je pense pas que ça suffise, ça. Je pense que la musique ça doit aussi être les erreurs, ça doit être humain, ça doit être charnel, ça doit être... Moi j'ai toujours dit que pour moi la musique ça sentait le vestiaire de stade de foot, quoi. Ça pue la musique, c'est pas comme le cinéma un peu... Ah, j'ai cru que ça puait les pieds. Non, mais il y a un côté sensuel. sensuel. Il y a un côté transpirant dans la musique. Ils sortent de scène, ils sont ruisselants. Je veux dire, c'est ça la musique pour on moi. On en parlait au début, un artiste avec lequel tu as bossé, Johnny Hallyday. Putain, le mec, tu voyais sortir de scène. Il perdait 15 litres par. Voilà, par on disait, il perdait 5 kilos, 6 kilos, 10 kilos par concert, mais de transpiration, quoi. Et voilà. Et ça, c'est intéressant. En tout cas, moi, c'est plutôt ces artistes-là qui m'attirent en règle générale. On en parlera après, mais ce que tu es en train de faire, ce que tu es en train de bosser aujourd'hui, ça va dans ce sens-là ? Ouais, un petit peu. En tout cas, c'est vraiment à l'ancienne. C'est des auditions, c'est des auditions comme on faisait avant, c'est-à-dire comme les maisons de disques faisaient avant. Ils faisaient venir les gens, et puis 3-4, voilà, vas-y, joue. Et là, on a trouvé, grâce à ça, à la première audition qu'on a faite, on a trouvé une jeune artiste qu'on adore avec Bart, qui s'appelle Jeanne, qui avait déjà fait des petits tremplins pour les Inrock, etc. Enfin, des trucs. Et là, elle est arrivée sur cette scène. On était au réservoir et on voit arriver une grande brune. Alors, elle est bien tout en noir et juste avec des baskets blanches Adidas, tu vois. Mais très simple, très joli. C'est la grande Jeanne. C'est pas la grande Sophie, c'est la grande Jeanne. Mais elle nous a balancé des trucs magiques, quoi. Une écriture très fine, et puis des arrangements, etc. Enfin, elle est douée. Bon, voilà. Alors, on l'a trouvé grâce à nos auditions qu'on fait à l'ancienne. Certains peuvent penser que c'est has-been qu'on fait plus ça. Nous, en tout cas, on a envie de voir les artistes. Donc, on sélectionne les titres qu'ils nous envoient avant, parce que t'as beaucoup de gens aussi qui pensent qu'ils sont artistes alors qu'ils font du karaoké, hein. Bon, et qui tentent leur chance comme si c'était un travail. C'est pas un travail, c'est un Saturday, mais c'est sûrement pas un travail. Bon, donc on fait une première présélection, ils envoient leur musique sur notre boîte mail. Et puis ensuite, on en sélectionne 20, 22 et on prend un endroit. Là, c'était, en l'occurrence, on était au réservoir. Mais on fait ça comme. Et alors, s'il y a des gens là maintenant qui nous écoutent, qui veulent t'envoyer un truc, ils peuvent le faire au www.mywaymanagement.fr. www.mywaymanagement.fr. Voilà. Tu vois, bon. Si t'as envie, tu peux envoyer. Bah, tu vois, ça, on en a, je t'assure. De quoi, les princes? Non, des chanteurs de ça, karaoké ou de salle de bain. Ah, de salle de bain. Non, oui, mais il y en a beaucoup, mais ça, tu vois, ça encore, ça dénote sur l'état de notre société, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui se disent, mais qu'est-ce que je peux faire? Je vais faire chanteur. On pense que c'est un métier, c'est comme c'est ça, le rêve d'avoir le gamin qui est footballeur, putain je suis le père d'Mbappé, voilà, il vaut 300 bris. Ce rêve-là, c'est terrible parce que tu as plein de gens qui ne sont pas du tout faits pour ça, mais très certainement les parents leur disent vas-y envoie ton truc, on sait jamais. Et tu crois pas que les télécrochets, comme on dit, ça a donné cette illusion-là? Oui, sûrement, ça l'a donné. Non, mais sans galvaniser, parce qu'il y a les trucs bien. Non, mais moi je suis d'accord avec toi. La Starac, ça demandait du boulot, c'était toujours ça qui était en premier. Ouais. Donc il n'y a pas un mauvais discours, il y a juste. Mais je suis d'accord avec ça. De toute façon, la starification. On a, et surtout, comme d'habitude, les maisons de disques ont perdu la main sur ces émissions-là, parce que c'est le diffuseur qui est plus puissant qui décide de tout. Ouais. Donc, comme d'habitude, les maisons de disques. Elles perdent à chaque fois la main, c'est-à-dire quand il y a eu l'avènement des radios, bon bah au début ils couraient après, et puis après c'était les maisons de disques qui suppliaient aux radios de passer leur disque. Bon, parce qu'on n'avait pas fait de règles auparavant. La télévision c'est pareil. Oui, puis parce que les médias gagnent en notoriété, en audience, elles représentent un pouvoir, donc à un moment donné elles choisissent. Exactement. Aussi ce qui... Bon, je suis plutôt de ce côté-là, et c'est vrai que c'est difficile d'imposer d'une part ou d'autre quoi que ce soit. Mais... Non, mais en plus c'est de plus en plus compliqué. Moi j'ai réussi à mieux dormir quand j'ai compris que les radios n'étaient pas là pour passer mes disques, qu'elles étaient là pour avoir des auditeurs. et que moi j'étais là pour vendre les albums de mes artistes. Donc c'est parfois ça. Ce sont des intérêts convergents, parfois ce sont des intérêts divergents. Mais si tu commences à te dire ah les salauds de radio, ouais, ils passent pas mon disque, tu fais pas de carrière. Si les gens savaient que quand même on prend des rendez-vous avec des programmateurs, on écoute le même disque à chaque rendez-vous pendant un an, et que parfois le disque il met un an à rentrer en programmation d'une radio. Il n'y a pas de règle. Non, mais ce que tu racontais tout à l'heure avec. Je racontais avec... hors antenne Amy Winehouse où la plus grosse radio de France me le rentre au bout de 14 mois. C'est-à-dire que pendant 14 mois, je l'ai fait écouter tous les mois. J'ai informé la radio de ce qui se passait ailleurs, etc. 14 mois pour faire rentrer ce putain de titre sur cette putain de radio. Pardon, elle était partout dans la presse. Partout. Et voilà. Sauf que l'argument, c'est que je leur dis attention, votre baseline, c'est Hit Only, et vous contribuez à créer les stars. Là, vous avez une star qui est partout, dans tous les journaux, parce que c'était l'époque où on la voyait dans tous les tabloïds, etc. Vous avez une star qui est chez tous les coiffeurs dans les journaux, dans les galas, et vous êtes donc une star qui est à la fois branchée et populaire. Vous êtes en train de la louper, vous pourrez pas la revendiquer, ça va être trop tard. Et voilà, et c'est cet argument-là peut-être qui a fait pencher la balance dans le bon sens, où ils se sont dit bon, c'est vrai qu'il y a eu tout ce travail de fait avant. Après, c'est aussi à nous producteurs, à nous attachés de presse, à nous gens de marketing, etc., de faire le boulot pour que l'artiste mûrisse et qu'il soit mûr pour arriver aussi aux gros médias. Moi, je suis pas du genre à dire c'est toujours la faute du média ou le gars il est sourd ou bon. Après, il y a eu des histoires à l'inverse, hein. Où moi j'ai un programmateur qui me cassait les pieds, mais vraiment il me cassait les pieds à chaque fois. Ouais, il se la jouait directeur artistique, le mec. Il y a trop de basses, il y a pas assez de ci, il y a pas assez de là. Bon, et un jour il me dit, donc sur je sais plus quel disque, il me dit ça. Je dis ouais, t'as raison, je me suis cassé. J'ai mis le disque de côté, j'ai repris rendez-vous 15 jours après avec le même disque. Je suis rentré dans le bureau, j'ai dit putain, t'as de l'oreille. J'ai dit, j'ai suivi tes conseils, ça a tout changé. Ouais, il a mis le truc dans la platine, machin, elle a fait trop. Il m'a dit, t'as vu, je t'avais dit. Ben oui. Et il me l'a rentré. Voilà. Ouais. Et t'avais rien changé. Rien. Non mais tu vois. Non mais c'est fabuleux, mais de toute façon on peut tous se faire niquer ce jeu. Mais oui, ça. Mais tous, mais évidemment. Ton truc. Se faire niquer. Mais c'est drôle. Non, j'aime pas évidemment. La note bleue là. Ouais. Attends, je reviens. Le lendemain je vais écouter la même DAT. Ouais, voilà. Voilà. Tu vois, quand tu m'écoutes. Mais moi quand je vais en studio et que je suis avec des grands producteurs. J'attends que, d'abord, même si c'est moi qui paye, j'ai un avis. Mais je me substitue pas à lui. Je veux pas lui dire, je veux pas lui apprendre à faire son métier. Si je veux bosser avec Dominique Blanc-Francard qui a 40 ans de métier, qui est encore là récemment numéro 1 avec Gauvin Serres, bon, on va avoir une discussion artistique. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux aller où? L'artiste, avec l'artiste, vous voyez quoi? Quel genre de guitare? Mais après, mon rôle, il s'arrête là. C'est lui le boss. Je vais pas faire son boulot. Ce qui est énervant, c'est quand on se substitue à toi et qu'on essaie de t'expliquer. On te prend parce que t'es le meilleur, mais on n'a rien à foutre de ton avis. Oui, voilà. Donc, chacun a sa place. Donc, le mec, je l'ai un peu remis en place. Je l'ai jamais dit, il a jamais su. Ce type-là que je m'étais foutu de sa gueule. Mais tout le métier l'a su, par contre, tu vois. Donc, bon. Mais c'était vraiment parce que je voulais pas être méchant, mais je considérais que chacun son taf. Surtout que ce qu'il me disait, c'était de la merde. Parce qu'encore un mec qui est constructif, qui écoute et qui t'amène une idée ou quoi, tu te dis, ah ouais, super. Mais là, c'était vraiment pour faire chier, quoi. Genre, ouais, attends, et c'est moi qui suis à cette place. Donc, et Coco, tu comprends, là, avec tes petits disques. Là, c'est le même qui t'a dit, mets-moi 4 places, non? Non, c'est pas le même. Son cousin. On veut des noms, putain, on veut des noms. Bah en tout cas, dans la prochaine toi, t'es dans la merde parce que tu sais pas quoi mettre comme musique derrière, on a rien calé. On a calé un truc. Ah, vous avez calé. J'ai calé ça et vous allez l'écouter et on en reparle très après. Très bien. Il est 6 heures, clocher de l'église, dans le square, les fleurs poétisent. Une fille va sortir de la mairie. Comme chaque soir, je l'attends, elle me sourit. Il faudrait que je lui parle à tout prix. Je lui dirai les mots bleus, les mots qu'on dit avec les yeux. Parler me semble ridicule. Je m'élance et puis je recule devant une phrase inutile qui briserait l'instant fragile d'une rencontre, d'une rencontre. Je lui dirai les mots bleus, ceux qui rendent les gens heureux. Je l'appellerai sans la nommer. Je suis peut-être démodé. Le vent d'hiver souffle en avril. J'aime le silence immobile d'une rencontre, d'une rencontre. Il n'y a plus d'horloge, plus de clocher. Dans le square, les arbres sont couchés. Je reviens par le train de nuit. Sur le quai, je la vois qui me sourit. Il faudra bien qu'elle comprenne à tout prix. Je lui dirai les mots bleus, les mots qu'on dit avec les yeux. Toutes les excuses que l'on donne sont comme les baisers qui s'envole, il reste une rancœur subtile qui gâcherait l'instant fragile et nous retrouverait, nous retrouverait. Je lui dirai les mots bleus, ce qui rend les gens heureux. Une histoire d'amour sans parole n'a plus besoin du protocole et tout. Discours futile ternirait quelque peu le style de nos retrouvailles, nos retrouvailles. Je lui dirai les mots bleus, les mots qui rendent les gens heureux. Je lui dirai les mots bleus, je lui dirai. Hashtag en direct de la chambre de Bonne. Voilà, Arthur. Avec les mots bleus. Philippe Thorne, Arthur Legge et puis Valérie Zetoun. On est là depuis 15h et... Le temps passe. Le temps passe vite, très très vite. C'est vrai. Et ça, Alain Bashung, bon bah voilà, incontournable, ça faisait partie de ta liste de disques. Ouais, oui, bon, évidemment, parce que pour moi, Bashung, c'est numéro un. C'est un artiste qui a une telle profondeur et... Écrire résident de la République, sachant que on est sur la fin. Un jour, je ne sourirai plus. Un jour, c'est quand même, là encore, c'est regarder la mort droit dans les yeux. Mmh. Bon, c'est une carrière phénoménale. Et puis c'était un artiste qui avait tellement d'humour et tellement de... T'as bossé avec... Quand j'ai démarré, alors, bon, j'étais attaché de presse télé. Alors, il m'aimait bien parce qu'il faisait peu de télé, il se faisait rare en télé. Mais un jour, on a une demande de Jacques Martin. Et il était à 300 000 albums, c'était l'album Osée Joséphine qui a redécollé sa carrière. Et dans le label, tout le monde se fout de ma gueule. Je venais d'arriver, moi, il me dit, ouais, qu'est-ce que tu vas... Bah, je suis avec Jacques Martin, regardais l'audience, qu'est-ce que tu racontes, machin. Et je dis, ok, bah, je l'appelle. Et il me dit, je vais venir, je vais la faire. Je dis, ah bon, parce que dans le label, ils m'ont tous insulté. Ils m'ont dit, non, ils ont tort, parce que maintenant, ça marche. Et le public, mon public et le public populaire, il est là, il faut que j'aille les remercier. Et donc, il est allé faire Jacques Martin. Donc, il était intelligent. Très intelligent. Et d'ailleurs, il a rebranchisé Martin, parce qu'une fois que Bachung est venu, alors là, tout le monde a voulu le refaire, du coup. Téléphone, les machins, tout ça. Un petit tour chez Martin, et tu vas un grand tour après. Et puis après, il m'a appris la base de ce métier, donc très sympa, les gens venaient le voir, les gens avaient de l'empathie pour Alain, c'était un mec marrant, tout le monde avait une petite histoire à raconter, machin. Et puis un jour, sur une télé, il y a un mec qui vient le voir et lui dit, ouais Alain, ouais, j'essaie d'appeler ta maison de 10, tout le monde, moi j'ai un show radio, je veux absolument que tu viennes, personne me répond, etc, enfin bon, j'ai truc, il lui dit, bien sûr, je vais venir, il n'y a pas de problème. Un mec qui était un peu relou, quoi, tu vois. Tu connais, comme nous, quoi. Non, Valérie, non, viens dans les mignons radio. Non, mais mec, pas, tu vois, pas. Alain lui dit, bien sûr, je viendrai. Ok, donc, puis le mec s'en va, et puis Alain me dit, inutile de dire que j'irai jamais, tu te démerdes avec lui. Et oui, parce que l'artiste, il est là pour être sympathique. Et ouais, c'est il dit pas les, non. L'artiste, non, il dit pas non. On parlait du YouTube tout à l'heure. Bono, il est super sympa. Tout le monde me dit, Bono, il est génial, il est super sympa. Ouais, il est super sympa. Pourquoi? Parce qu'il y a un pitbull qui s'appelle Paul McGuinness. Rien que le nom, déjà, il te fait flipper. Tu sens le truc bien lourd. Tu l'emmerdes et il te mord l'œil. Je veux dire, t'as intérêt à. Voilà, c'est du gros management. Les managers anglo-saxons, en règle générale, même physiquement, ils te mettent la pression. Physiquement, ils arrivent, ils sont déjà. Bon, c'est. Et puis voilà, dans le cadre de YouTube, McGuinness, c'est le cinquième membre du groupe. Il a vendu tout ce qu'il avait pour le groupe, quoi. Au début de leur carrière, il a démarré en même temps qu'eux, donc il est devenu un des plus grands managers au monde. Donc les managers anglo-saxons, en règle générale, on les voit arriver, on les sent, c'est pareil que les artistes, quoi. C'est attention, il arrive, bam, c'est et puis eux, s'ils font une connerie, ils se font démonter la gueule parce que c'est des artistes mondiaux. Mais en France, c'est pareil. Les artistes français, il faut qu'ils soient protégés parce que autrement, ils doivent pas être en situation de. En frontal avec. Oui, et puis on doit pas les voir. Enfin, moi, ça me désole quand je vois des artistes qui vont à la télé pour dire qu'ils vont se battre sur un ring de boxe, etc. Enfin, moi, j'en ai rien à foutre. D'abord, si je veux voir de la boxe, il y a un peu meilleur qu'eux. Et deuxièmement, battez-vous, faites-moi une battle de titres, ouais. De sons, comme ce on a entendu vous tout êtes à l'heure. Connu. Voilà, mais pas ce truc qui part en couille et qui n'amène rien. Non, mais en plus, ça amène pas grand chose. C'est pas utile. Tu vois, et ce truc-là, je pense, moi, qu'il faut aussi revenir à ça. Des artistes qui sont positifs, ils peuvent être malheureux, ils peuvent être chagrinés, ils peuvent tout. Ce sont des êtres humains, mais. Qu'ils soient protégés et que voilà, le rôle d'un manager, c'est ça en fait, c'est de se prendre tous les coups pour que l'artiste soit lui puisse être sympa et puis faire son métier tranquille, quoi. Voilà, c'est un boulot très ingrat en fait, manager, c'est très ingrat. Et puis alors, cette chanson, évidemment, c'est Les Mots Bleus, écrite par Jean-Michel Jarre et composée par Christophe. Moi, Christophe, j'ai une vraie histoire avec lui, puisque je vais produire un album. Il a mis 7 ans à le faire, faut pas être pressé. Et alors, Christophe, c'est un bonbon. Je le vois régulièrement, je le revois là depuis un certain temps régulièrement. C'est vraiment un amour, c'est un esthète. Ouais. Il est reconnu comme tel par la presse notamment. Christophe, il est très marrant parce que quand on a fait cet album, On jouait le dimanche soir au poker chez moi, donc je démarrais à 16h, on finissait à 4h du matin. Et puis à 4h, elle me disait, bon ben viens, je vais te faire écouter ce qu'on a fait. Donc j'ai écouté jusqu'à 5h30, 6h. Mmh. Sauf que moi, c'était lundi matin pour moi. Lui, il se barrait se coucher parce que lui, il vit la nuit et il dort le... Donc moi, je savais le lundi que j'étais mort en écouter. À la réunion de 9h. Et puis, il a une manière très, très originale parfois d'enregistrer ses albums parce qu'il a une console chez lui, il fait ses voix chez lui et parfois, il s'allonge sous la console avec le micro et il enregistre allongé sous la console les voix parce D'accord. que ça n'a pas le même son voilà. Non c'est sûr. Donc, mais c'est un et il prend c'est, quoi c'est un bonheur de mec ouais. Et cette chanson là je veux dire que elle est parmi les 50 plus grandes chansons de l'histoire de la musique parce que qu'elle soit faite comme la version originale ou hispanisé et requisé un peu par Bachung, elle bouge pas quoi. C'est une grande mélodie et ce sont des paroles. Parler me semble ridicule. Il faudrait que c'est une écriture qui ouais. moi m'affole complètement. Enfin, je veux dire, je suis totalement fan de genre de titre. C'est pour ça que j'ai programmé cette reprise et pas la version originale pour montrer aussi que parfois les reprises sont aussi bonnes que les originales. Et je trouve ça dommage qu'en France on le fasse pas. En Amérique, les grandes chansons, elles sont reprises régulièrement. Il y a 1000 reprises, mais t'as même des chansons récentes qui sont reprises par d'autres artistes qui peuvent même être en concurrence, mais c'est dans leur ADN. Nous ici, on fait jamais de reprises, on fait rarement des reprises. On a l'impression. Bah, il y avait les Carpentiers qui le faisaient dans les années 70. Oui, en télé. Mais en ce télé. Que je veux dire, en télé, mais pas en disque. Tu veux, c'est pas le truc des Français. Les Français disent, oh là là. Ah non. Alors maintenant, il y a une nouvelle mode qui consiste à changer les paroles d'origine pour les féminiser ou quoi ou qu'est-ce. Bon, ça c'est autre chose encore. Mais voilà, on montre que ce titre-là, qu'il soit en crooner ou en rock, il reste un titre inoxydable, quoi. Ouais, c'est évident. Fondation. On a parlé depuis le départ de évidemment ton parcours. Moi, j'aime pas le mot de carrière, donc je l'emploierai pas. Mais et alors le parcours, il démarre. Moi, j'ai été halluciné de voir ça parce qu'on adore le garçon, évidemment. Son fils, on l'a fait démarrer en DJ, en radio et tout. Enfin, on l'affecte avec le mec. C'est Marc Cerón. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé avec Marc Cerón? C'était le tout début. Et pourquoi tu te retrouves à Créteil-Soleil? Tout part de Cerón, en fait. Et je me retrouve à Créteil-Soleil. En fait, c'est pas à Créteil. Il avait un magasin de disques. Ouais, mais non, moi, je l'ai. Il était à Saint-Ouen quand je l'ai connu, moi. Mmh. Il était abrité chez Francis Kartekian, qui nous a aussi quittés il y a 2 ans, Francis Kartekian étant le producteur historique de Rachid Tah, entre autres, grand monsieur du métier, grand éditeur, etc. Et Cerón partageait des bureaux, je crois, avec Francis. Bon, et donc, moi, j'avais fait de la radio, donc je fais Sky. Après, je pars de Sky pour une radio qui a fait faillite, qui s'appelait Electric FM, qui était la radio du Conseil régional d'Île-de-France, qui avait des bureaux somptueux, rue Beaujon, enfin bon, c'était Jean-Pierre D'Amico qui était le directeur d'antenne. Il y avait Alexandre Debagne, il y avait qui bref, est parti, ouais. Voilà. Et cette radio ferme et je me retrouve au Chaume-du. Et pendant presque un an, 8 mois, je fais des petits boulots à droite à gauche, mais pas de radio, pas de trucs. Et à l'époque, il y avait une petite nana de chez Warner qui venait attachée de presse, qui venait vendre ses disques. Bon, j'avais eu une petite histoire avec elle et tout. Et un jour, je suis sur les champs et hop, je le croise. Elle me dit, oh putain Valérie, ça me fait plaisir de te voir, j'ai plus de tes nouvelles, machin. Je dis non, je galère. Elle me dit, écoute, il y a un artiste qui va sortir un nouveau disque, sauf qu'il n'a pas d'attaché de presse, c'est Cerón. Voilà, moi il m'a contacté, je veux pas y aller, je veux rester chez Warner. Voilà son numéro, appelle-le. Je dis ok, mais j'ai jamais fait attaché de presse, moi je sais même pas. Cerón n'avait sorti aucun disque. C'était dans les fin 80, début 80, fin 80. Oui, c'était 87, 88. Ouais, donc il avait quand même. Ah oui, si. Et donc il avait un album qui s'appelait Le Collector. Bon. Alors, je vais chez lui. À l'époque, il habitait à Neuilly. Hop, oui, ça va, très sympa et tout. Moi, je suis quand même impressionné, Marc Cerrone, quoi. Pape de la disco, de l'électro. Bah, oui. Je veux dire qu'il n'y a pas un gars qui existe aujourd'hui s'il n'y a pas Cerrone. Bon, Cerrone, c'était le studio 54, quoi. C'est, voilà, bon, c'est Cerrone, Donna Summer. Enfin, il y a Cerrone et Giorgio Moroder, quoi. Et Giorgio, voilà, tu vois, bon. Et truc, il me dit, bon, voilà, j'ai ce disque et tout, il me fait écouter le disque. Bon, je le trouve remarquablement pas bon. Je ne lui dis pas, parce que j'ai besoin de bouffer et que j'ai besoin de bosser. Et il me dit, bon, ben voilà, l'idée, c'est qu'il faut caser ce disque dans les radios en province. Je dis, ah bon, moi, je savais même pas, à l'époque, il y avait des radios en province. Je suis pur parisien, moi, tu vois, j'étais un trou du cul. J'avais 20 plus, je fais, ah bon, il y a des radios en province. Ah ouais, ce qui se passe après le périphérique. Mais moi, c'était, j'assume, hein, c'était Saint-Germain-des-Prés, les Champs, quoi, tu vois. C'est très intéressant comme stratégie. Tu vois, bon. Et puis, il me dit, vous avez déjà fait ça? Je dis, bah oui, bien sûr. Bah oui. Il me dit, ok, Marco. Super. Il me dit, je vous engage. Donc, et là, on part. Et c'était la période. Il venait d'ouvrir le Megastore, Virgin Megastore, qui a fermé depuis, sur les Champs. Et moi, je sortais tous les soirs, je faisais le con, j'allais. Il y avait la loco à Pigalle, à côté du Moulin Rouge, qui est devenu je sais plus quoi maintenant. Enfin bon, bref, j'arrêtais pas de sortir. C'était la tournée des popotes. C'était le début du boy. Sortais comme un fada. et puis, donc j'avais des super copines. En plus, je vivais seul à Montparnasse. J'avais un super appart. J'étais jeune, j'avais 20 piges, quoi. Bon, et donc mon appart tous les soirs, c'était le bordel. J'avais des super copines. Et je dis à Céron, je dis, écoute, j'ai une idée. J'ai des nanas qui sont très mignonnes. On va prendre des Walkman et puis on va faire écouter des extraits devant le Megastore. On va les habiller en collector, tu vois, parce que c'était genre, elles avaient des masques comme dans les années 1700, tu vois, à la cour. Et puis des perruques. Des chapeaux et les perruques. Donc, ah, il me dit, génial. Donc, mes copines, elles étaient mortes de rire. Lui, il aime bien ce genre de. Ah bah, il adorait. Ouais. Donc, je faisais venir toutes mes potes, là, le soir en boîte, le lendemain. Hey, vous allez me faire le Megastore, là, truc. Là, les mecs s'arrêtaient parce qu'ils avaient des jolies. Et petit à petit, commence à en vendre un peu, et puis le 10, j'ai réussi à faire rentrer le 10 sur 2-3 trucs. Bon, il a trouvé qu'on travaillait bien. Après, on a fait une opération dans VSD où on avait encarté l'album. Mais comme il était dans une période un peu down financièrement de sa vie, il a fait revenir tous les inventaires du VSD et il fallait qu'on déblisterise le CD et qu'on le remette dans des pochettes parce qu'il récupérait les CD. Pour les vendre après. Bah, pour les revendre. Donc moi, je me retrouvais les week-ends et le soir, mais ben, avec lui. Hein, et ah, on c'était l'artisanal. Cerrone, il faut expliquer un peu. Cerrone, au départ, il ne trouve pas de maison de disques. Voilà, disco, machin, parce que lui, c'est un batteur, travaille avec les groupes de percus, comment ça s'appelle? Les Congas. Ça décolle pas, il trouve pas de maison de 10, il dit, allez tous vous faire enculer, je vais monter mon label et j'y vais. Et là, boum, ça cartonne. Voilà, exactement. Les gros standards de Cerrone qu'on connaît. Donc, si tu veux, c'est un mec qui s'est dit, un jour, le milieu du disque veut pas de moi, je vais. J'ai toujours eu ce rapport et il m'a appris ça. Il m'a appris. Et après, il a été très malin parce qu'il a été quasiment dans toutes les majors. Et à chaque fois, en fin de contrat, il se barrait pour une autre. Donc il a été super. Mais c'est vrai que le problème des Français, c'est qu'on a l'impression que tout tourne autour de la France. Les Français, ils ont une vraie vision franco-française des marchés. Moins maintenant les nouvelles générations, mais les nôtres. Mmh. Et que les mecs n'ont pas compris que ce mec-là est arrivé aux États-Unis et qu'il a fait numéro 1, point barre. Il les a enfilés comme des perles, les numéro 1. Donc quand t'as été numéro 1 aux États-Unis, que dans les années mi-70, tu voyages en jet, les machins, les trucs, c'est normal que t'aies un ego surdimensionné. Et que, parce que c'est humain, je veux dire, c'est comme si demain vous gagnez 50 plaques au loto, vous n'allez pas rester le même, c'est pas vrai. Tu comprends pas pourquoi ça marche pas 20 ans exactement. Après aussi. Et puis t'as des hauts et puis t'as des bas, c'est ça les carrières. C'est la vie. Et puis voilà, et il est à l'origine de tout parce que comme j'ai bien bossé, il y avait le Midem à l'époque qui était un gros rendez-vous et il me dit, bah écoute, on descend au Midem, je t'invite à Cannes. Et il se trouve que mon père vit à Cannes depuis 30 ans. Donc, et que j'ai des rapports, parce que j'ai peu d'écart avec lui, il m'a eu jeune. Et donc j'ai dit à mon père, écoute, ce soir, j'étais dormais chez lui, et je lui dis, ce soir, il y a Céron qui nous invite dans une boîte, je sais plus, whisky à gogo, quoi, il y a une soirée et tout, bon. Le wag. Et donc on va à la soirée, et donc on est content, on est, et Jean-Marc, il est avec sa femme, je sais plus quoi, on rigole, machin, et la table d'à côté, il y a un mec qui est mort de rire, je vois, je dis, tiens, il est bizarre, il est marrant, ce mec-là, il arrête pas de faire le con et tout, et c'était Pascal Nègre, qui était directeur de la promo chez CBS. Sony. Et donc, à l'époque, je me renseigne et je dis, qui est ce mec qui est tellement drôle et tout ça? On me dit, bah, c'est Nègre, il est directeur de la promo. Et voilà, je rentre à Paris, je lui envoie mon CV. Et c'est comme ça que ça démarre. Je lui envoie mon CV, il m'engage un an après chez CBS, où je vous racontais en début d'émission que je portais les cafés. Ben voilà. Donc, la boucle est bouclée. La boucle est bouclée. Et voilà. Et la boucle est bouclée, donc. Pour un congas. Ah, c'est bon ça, les petites percus que ça. Allez, debout. Tout le monde debout. On a les percus et les histoires qui vont avec. Non, mais c'est magnifique, Céron. Ah, et encore aujourd'hui, tu mets ça, les gens. Ça n'a pas vieilli. Non. Ça n'a pas vieilli. Regarde ça, écoute. Écoute Claude François derrière qui arrive. Oui, mais ça vient de là. Mais... qu'est-ce que c'est bon. Monsieur Céron, vous êtes attendu dans le Radio Club, évidemment. Non, parce que forcément, ils écoutent tous le Radio Club. On le sait très bien. Hashtag en direct de la chambre de Bonne. Avec Valérie Zetoun, notre invité aujourd'hui. Arthur Legge. Et Philippe Thorn. Vous avez de la chance, bande de petits canaillous. Ça fait très old school, ça, petit canaillou. Je vais t'arrêter. Tu l'enlèves, tu le rayes. Ou alors, sinon, on va bande d'enculés. Non, ça, tu l'enlèves, c'est pas bien. Ouais, c'est pas bien, ça. C'est, non, pas, bien. C'est pas nous, en non, plus. C'est pas toi. Give me love. Céron, dans le Radio Club. Ne changez rien, on s'occupe du reste. the Radio Club. période disco pour Valérie. Ça va marcher. Ça, je sais pas pourquoi, mais. Période ça disco va durer pour Valérie Zetoun. Il a démarré avec Céron. On l'a évoqué il y a quelques instants. Forcément, derrière Céron, qu'est-ce qui pouvait aller mieux que. Un petit Donna Summer avec la production d'un mec qui. Giorgio Moroder, but everybody call me. Ah, tu l'aimes bien. Giorgio, hein. Ouais. Bah, il a participé au dernier album des Daft. Oui. C'est pas pour rien. Voilà. C'est comme Nile Rodgers. C'est comme. Voilà. Ils ont été recherchés plein de gens, notamment donc ce Giorgio Moroder qui était derrière Donna Summer, I Feel Love. C'est gros titre. Bon, et d'ailleurs, on voit l'humain est quand même très important parce qu'il faut se souvenir que Donna Summer, quand le sida arrive, a cette phrase terrible qui lui coûte sa carrière, où elle dit le sida est une punition de Dieu, alors que ses plus grands fans sont homosexuels. Exactement. Et elle fait une fin de carrière, elle a eu beaucoup de mal à revenir, elle a réussi un peu à revenir juste avant sa disparition, mais je veux dire que voilà quelque chose de totalement humain. Il y a une interview. Elle réfléchit pas, quoi. On peut pas dire qu'elle est anti-gay puisque c'est son fonds de commerce. Mais elle a cette phrase parce que va savoir à quoi elle pense. Une phrase lui coûte sa carrière. C'est quand même, c'est un truc de dingue, quoi. Ouais, mais enfin, une phrase de merde. T'imagines, il y avait pas les réseaux sociaux. Oui. Non, mais on est d'accord. Et il y a pas les réseaux sociaux à l'époque. Non, mais on est d'accord que la phrase est une phrase de merde. Maintenant, je ne pense pas qu'elle pensait à ça. J'en sais rien. Après, je suis pas dans sa tête. Mais en tout cas, voilà. Comme quoi. C'est fragile. C'est dur, c'est compliqué. Une carrière, c'est très fragile, ouais, ça tient à quelque chose. Je pense qu'elle sortait de la messe du dimanche matin avec les gospels. Même pas, ça se trouve, elle pensait aux Américains puritanistes et tout ça. On ne sait pas, de toute façon, on ne saura jamais. Donc. Et puis, je l'avais mis aussi parce que. Et ça, c'était. Bon, pour mon métier, mais vraiment par goût, j'ai passé moi ma vie dans les boîtes de nuit. Donc j'ai arrêté récemment, comme j'ai arrêté la cigarette d'ailleurs, mais et puis qu'il y a un âge où il faut passer la main. Mais et puis qu'aujourd'hui on se fait chier aussi, parce que moi je me fais chier dans les boîtes d'aujourd'hui. Je retrouve plus que je retrouvais avant, mais c'était important d'aller écouter les sons qu'il y avait parce que les boîtes c'était la pointe. On en parlait tout à l'heure avec Philippe. J'ai démarré à 13 ans, j'allais au Madison Square Garden à Montparnasse, rue Commando Mouchotte. Voilà. Et 13 ans, le samedi après-midi. Non, mais, Sergio le Buffalo au platine. Et c'est là où j'ai découvert BBQ Band, c'est là où j'ai découvert Billy Ocean, c'est là où il y avait D-Train, tout, et puis aussi toute la partie funk. Il jouait le funk. Ah, il jouait les catalogues caramel, et on y va. Je me souviens, le tube qui nous rendait fous, c'était He's the Greatest Dancer. Comment il s'appelle Non, c'était la nana. Richie Family. Non, pas, non plus, non, mais qui était avec Nile Rodgers. Bref, il y avait les Pointer Sisters. Sister Sledge. Voilà. All American Girls. Toute cette période-là, moi, l'amour de la musique aussi, dès à 14 ans, à l'époque, on en parlait tout à l'heure, c'était les Weston ou les Nike, t'avais tes clés au bout d'un porte-clés qui faisait du bruit, le 501, le Catalina, là, ou le Blazer, et puis t'allais t'écouter. Moi, mes premières émotions musicales. Les pantalons en cuir. Elle tourne là. Après, c'est le Palace, le bus, le Palace, les bains, et puis après, c'était les bains beaucoup, parce que il y a eu le Queen au début, le Boy et le Queen, où le Queen, t'entends les premiers sons électro, mais je passais ma vie dans les boîtes. Le Boy, la première boîte techno à Paris. Et il y avait d'ailleurs, tu faisais le tour, tu faisais Banana, Boy. Après, et attends, il y a eu la Ménagerie avant. L'ancêtre du Queen, c'était la Ménagerie qui n'était pas là, qui était rue Marbeuf, je crois. Avant le Queen, c'était le Central. Voilà. Et donc, on passait. Avant le Queen, c'était le 102. Le 102. Oui, on passait notre vie là-dedans, quoi. Donc, c'était important, la culture club a toujours été. Enfin, en tout cas, moi, elle a tout fait, toujours fait partie de ma vie. Voilà. Jadis. Ouais, mais bon, et puis c'est encore bon d'y aller de temps en temps, mais c'est vrai que. Ouais, mais il n'y a plus d'endroit, tu sais plus où aller. Moi, je suis désespéré. Ils passent des titres qui sont quand même. Difficile d'accès. Bah, qui sont aussi mauvais que les drogues que prennent les gamins aujourd'hui, hein. Faut le dire. Enfin, attends, moi, j'ai essayé de sortir. j'y arrive plus. Bon, et puis alors, je sais pas. La culture club n'existe plus de toute façon. Puis, c'est des bars. C'est... Mais tu es allé parce que les bains, t'allais. D'abord, il y avait Hubert et puis Claude Chal. Puis après, t'as eu David. Et moi, j'allais voir David Guetta, quoi. David, c'est, on était potos, on était de la même bande. Il allait jouer au début, il allait jouer 15 ou une demi-heure au Queen. On était tous derrière lui. Après, il a repris les bains. On allait au bain parce qu'il y avait David Guetta et parce que le son était le son qu'on aimait entendre. Et puis parce que tout le monde se retrouvait là. Bon, t'allais dans les clubs aussi parce qu'ils étaient incarnés par des patrons comme la génération d'avant, aller chez Castel ou chez Régine. Chez Valère. Ou chez Valère. Bon, aujourd'hui, c'est désincarné. Il y a un type qui rachète toutes les boîtes là et tous les endroits qui s'appelle Monsieur Gourcuff. Bon, très bien, c'est de l'industrie. Je veux dire, aujourd'hui, tu vas le soir, tu demandes une bouteille de pinard, on te regarde comme si t'avais essayé d'assassiner le môme d'à côté. Alors que tu sors le soir, normalement, on doit te fournir tout ce que t'as envie de boire. Ben oui. Et que voilà, donc chez Castel, t'avais envie de boire un coup de pinard, tu buvais un coup de pinard, l'autre buvait du whisky. L'autre... Bon, aujourd'hui, tout est désincarné et tout est sacrifié à l'hôtel du pognon. Notamment dans le monde de la nuit, où il doit avoir des ratios, des machins. Bon, qu'est-ce qu'on boit aujourd'hui alors? Oui, j'en sais rien, je sais pas ce qu'ils boivent. Ils doivent boire. En tout cas, ils boivent des trucs. Ah, des Jéroboam de champagne. Ils boivent des trucs qui rendent sourds, parce que vu la musique qui passe, c'est pas possible, tu vois. Donc, voilà. Ou alors, ça, tu vois, c'est. Enfin, bref. Non, mais c'est bien, c'est bien. Il y a un côté. Merde, putain, ça se barre en couille, ça fait chier. Moi, je pense qu'on devrait ouvrir un club. Ouais, non, mais voilà. Moi, franchement. Dans le centre de Paris, comme ça, on y va à pied. Et on rentre à pied. Voilà. Mais tu l'as dit tout à l'heure. Tu l'as dit tout à l'heure. T'as prononcé le mot magique, c'est artisanat. Voilà. Vous faites ça, c'est de l'artisanat, c'est un kiff. L'artisanat, retrouver le goût des choses artisanales, et puis arrêter de tous consommer la même chose, de tous voilà, il y a une vraie philosophie de vie à réinculquer aux gamins, quoi. Leur dire que il y a autre chose que le coca, c'est très bien le coca, mais pinard, il y a des mecs qui se cassent le cul, il y a des vignobles, on est les spécialistes. En plus, nous en France, c'est notre la bouffe française, les vins français, les bons. En même temps, je dis ça, je produis une île portugaise, donc c'est très cohérent tout ça va, mais venir, c'est européen. Mais bon, oui, mais tu le fais parce que t'aimes ça, et bon, que ce que les terres soient au Portugal pas, on s'en fout. Et puis parce que c'est surtout mon pote qui a tout créé et qui a porté ça. Oui, t'as essayé de l'aider, mais c'est super. Mais ce que je veux dire, vraiment, c'est gardons en tête des choses artisanales, et plus on sera comme ça, et plus on gagnera par rapport à cette industrie et à tout ce qu'on veut nous imposer. Quand je vois les rayons des supermarchés là, avec ces trucs là dont les goûts, les couleurs, les colorants, c'est fait pour plaire au plus grand nombre, c'est pareil pour la musique. C'est chimique, ça fait flipper. Oui, mais ça fait flipper. Moi, ça me terrorise. Ouais, l'intention fait flipper, et le résultat sur nos corps humains, c'est terrible. Et c'est pour ça qu'on est malade. Moi, j'ai compris ça il y a pas longtemps. C'est vrai. C'est que mieux tu bouffes et moins t'es bien malade. Sûr. Évidemment. Exactement. Voilà. C'était un petit truc que je voulais dire. De toi, là, On a dit qu'on faisait pas de politique, mais. Non. Voilà. Alors, voilà. Voilà. Et alors ça a été fait avec artisanat ou pas du tout, cette rencontre improbable quand même. Françoise Hardy, Partir quand même. Voilà, c'est un de ces classiques. Gros classique. Et je vous le donne en mille et mille. Qui est venu se greffer sur cette version-là? Julio. Julio Iglesias. Ouais. Mais alors c'est fantastique. D'abord, vous savez que Julio a démarré sa carrière, il était footballeur. Il était gardien de but à Barcelone. Ah, Barcelone. Et il s'est cassé au Real, je sais plus, un des deux. Un des deux. Il s'est cassé la jambe. Il se retrouve à l'hôpital et il se met à écrire des chansons. C'est comme ça que ça démarre. Et les deux premiers territoires où il explose, c'est le Mexique et la France, avec un titre qui s'appelait Manuela. C'était en 78. Manuela. Voilà. Ouais. Et Julio, comme à l'instar de Sinatra et Dean Martin 30 ans avant, Julio, lui, est le premier hispanique à avoir des awards en Amérique, car les Américains n'ont pas de très bonnes relations avec les Mexicains, ils aiment pas trop les Mexicains, ils aiment pas trop les Hispaniques. Alors maintenant, il y en a plein, mais les Américains blancs, bon. Et Julio est le premier à avoir un award. C'est un exploit extraordinaire. Je me suis même laissé dire que quand il y a eu l'attentat des tours, le 11 septembre 2001, le seul avion qui a pu survoler les États-Unis à part Air Force One, c'était l'avion de M. Iglesias qui était en Californie, qui voulait rentrer en Floride, retrouver sa femme et ses enfants. Non. Si, si, c'est. Julio aux États-Unis, c'est une puissance colossale. Après, il est parti de Miami, il s'est installé à Saint-Domingue. Quand il a annoncé qu'il allait s'installer à Saint-Domingue, tous les terrains autour de sa maison ont pris 300%. Parce que c'est extraordinaire. Donc tu veux dire qu'il a pu demander l'autorisation directement au président de la République, à Bush, qui était très proche, ouais. Donc l'histoire de Julio, elle est phénoménale. Mais je vous ai mis ce titre qu'on va écouter parce que j'ai une petite histoire marrante. C'est d'une douceur, d'une sensualité. Enfin, bon, même si Françoise Hardy incarne pas forcément la sensualité, elle l'a été. Elle a été une icône et ce titre-là, c'est waouh. Ouais. Tu vois ce que je vais dire, quoi. Calme-toi. Calme-toi. Ouais. Tu danses ? Non. Je suis prise. Le Radio Club avec Françoise Hardy, Julio Iglesias, Julio. Partir quand même. Parfois, ça vaut mieux. Le Radio Club avec Valérie Zetoun. Partir quand même. Avec la rencontre improbable mais tout aussi élégante et il y a quand même un bras grain de sensualité dans cette chanson, Françoise Hardy, Julio Iglesias. C'est la touch. Partir quand même. De Julio. Ouais. Alors Julio. Non, mais j'aime beaucoup. D'abord, j'ai démarré chez Sony, un jour il était venu à Paris, c'était en fin des années 80, et puis il avait exigé de payer le restaurant. Il avait invité tout le label. Wow. C'était un beau restaurant, en plus au Carré des Feuillants, on était 40. C'est pas très et long. Il avait dit, ouais, et il avait dit, à l'époque, c'était De Bonina qui était le président, il avait dit c'est moi qui paye le dîner. Alors le président dit non, Julio, j'y tiens. Il dit non. Et il lui dit mais pourquoi? Il dit parce que si c'est vous qui payez, je pourrais pas prendre les vins que je veux prendre. Et il nous avait pris des grands crus, je sais pas combien lui avait coûté ce dîner, mais c'était phénoménal. Julio, il avait des fiches quand il venait en France, il se souvenait de tous les prénoms. Par exemple, il allait à RTL, la standardiste, ah bonjour Catherine, comment ça va? Ah ouais. Et le petit Benoît, l'école, ça va? Et il révisait avant, il notait tout, il révisait avant. Donc, chaque personne était son attaché de presse parce que les gens disaient, mais c'est, tu te rends compte, la Catherine, La Catherine truc, derrière son elle front. Rentrait le soir, elle faisait, vous vous rendez compte, et elle racontait l'histoire pendant 6 mois. Mmh. Donc, Julio, mais c'est ça qui. Bon, non, mais c'est pas pour rien que ce type qui part d'un club de football fait une carrière phénoménale mondiale, c'est pas pour rien. Et puis alors, donc, il y a quelques années de ça, il fait l'Olympia, et à l'époque, j'étais avec une copine qui était poumonée. Alors, je vais avec 3 copines poumonées à l'Olympia le voir. Et ça a son dû manager, lui plaire. Mais justement, son manager était le manager de Juanes, qui était un des artistes dont je m'occupais, la Camisa Negra. Et il me dit, viens nous voir après, derrière Julio, machin, backstage et tout. Je dis, ok. Et puis, j'envoie les filles. Alors, elles vont le voir, elles vont le saluer. Moi, je reste au bar, derrière chez Marilyn, là, à l'Olympia et tout. Et elles reviennent, elles me disent, mort de rire, il était sympa et tout. Alors, et lui, il passe, il va pour s'en aller, puis il me voit. Donc, il fait demi-tour. Ah, il me dit, ça va? J'ai dit, oui, ça va, Julio. Il me dit, ouais, Fernande m'a dit que tu étais là, tout ça, bon, très bien. Et il me dit, c'est qui elle? Je lui dis, en montant la première fille, je lui dis, c'est ma fiancée. Ah, il me dit, c'est qui elle, la deuxième? Je lui dis, c'est ma maîtresse. Ah, il me dit, et la troisième, elle. Je lui dis, c'est ma maîtresse aussi. Et là, il me regarde et me dit, tu sais quoi? Moi, dans la vie, je veux être toi. Bon, c'était vrai, c'était des maîtresses en plus. Non, je dis ça pour déconner, pour le faire marrer, tu vois. Mais voilà, gracieux. La classe, quoi. Mais grande classe. Ouais. Tu travailles avec lui, il te fait livrer. S'il est content de ton travail, tu vas recevoir une bouteille de gros pinard. Eddie est comme ça aussi. Moi, j'ai eu des trucs d'Eddie phénoménal. C'est les grands seigneurs, ces mecs-là. Alors après, il y a des moments où ils ont une image un peu écornée parce qu'on dit, ouais, c'est un peu mièvre, etc. Moi, je crois pas. Moi, je crois que c'est des grands crooners. J'adore sa manière de chanter. Et justement, le fait qu'une icône comme Hardy chante avec lui, ça montre quand même l'étendue et l'intensité du personnage. Et c'est vrai que ces types qui sont allés, ces artistes qui ont réussi à conquérir le monde avec des chansons, finalement. Ils sont arrivés avec leurs chansons et leur poésie. Ils ont fait des carrières phénoménales. Iglesias, il est connu de Moscou au Caire en passant par Los Angeles et Mexico, quoi. Donc, et il part de rien d'ici. Bon, d'Europe. Donc, moi, une chambre d'hôpital. Ouais, exactement. Voilà, comme quoi, faut jamais désespérer. Ouais, même quand on se casse la jambe. Ouais, non, mais... C'est un des premiers qui a rempli quand même des stades au monde. Complètement. Ouais. Complètement. Avant tout le monde, hein, avant U2. Ouais. Mais bon, c'est surtout dans la variété. Bon, des duos avec Sinatra, des duos avec. C'est un grand, grand, grand bonhomme. Et puis, bon, une famille. Derrière, il y a Enrique qui a fait aussi une belle carrière. Enfin, bon, voilà, c'est, moi, j'aime bien les familles quand ça perdure. Je suis un peu. Bon, je sais qu'on a coupé la tête de notre roi, Louis XVI. Mais moi, j'aime bien les familles où il y a des artistes de. Et tu penses que Enrique va perdurer même après le. J'en sais rien. Aujourd'hui, c'est tellement son difficile. Père. Mais on sait plus. Avant, on faisait des carrières. Aujourd'hui, vous voyez bien que. que les gars qui étaient stars il y a 10 ans, bon, il y avait Diams, on a eu une Diams mania énorme, et puis aujourd'hui elle a disparu. On a eu une Kyo mania énorme, et puis aujourd'hui on en entend moins parler. On peut y aller comme ça, on peut les énumérer depuis 10, 12, allez, 12 après, ans. Après, il y a des groupes qui sont là, Indochine. Non, mais tu parles, toi, des anciens. Ouais. Moi, je te parle d'aujourd'hui. Est-ce qu'aujourd'hui, le sens de la carrière a le même, a le même sens? Je le redis, il y avait beaucoup moins d'artistes avant. J'entends qu'il y a 480 albums qui sont produits par an. Mais tu peux pas faire 480 albums bien. Ça veut dire que si tu multiplies par 10, ça veut dire qu'il y a quoi, 5000 titres? Mais comment tu fais 5000 bons titres? Comment tu les travailles? Comment tu les promotionnes? Comment tu les marketes? Comment... C'est-à-dire que c'est injouable. Il y a combien? 600 films? 600 longs métrages par an? Mais ça veut dire presque deux par jour. Mais comment tu fais 600 bons longs métrages? Comment tu dis il y a 600 bons films? C'est pas vrai, il n'y a pas 600 bons films, il faut arrêter de se foutre de notre gueule. Donc il y a un problème de surproduction. Il y a une facilité à produire et il y a certainement beaucoup plus de choses bien qu'avant. Oui, mais ça c'est clair. Ça s'est appauvri aussi. Oui, mais il y a aussi beaucoup de merde, c'est ça que tu veux dire en quelque sorte. Je veux dire qu'il y a beaucoup de travail bâclé pour des mauvaises raisons. Et moi, ce qui a été ma rupture avec les majors compagnies, et notamment celle où j'ai vécu, et très bien vécu, que j'aime, je ne crache pas dans la soupe en disant ça, mais je veux dire qu'il y a un moment donné, moi, si un album n'est pas prêt, c'est pas parce qu'il faut le sortir qu'on va le sortir. C'est pas ma philosophie. Moi, je préfère dire à l'artiste, écoute, voilà, on n'est pas prêt. On se prend 10 mois de plus, mais... Vas-y, continue. Mais là, ce truc-là, ça m'a étouffé, ça m'a gâché le goût de mes plaisirs, et je ne me retrouve plus dans cette course-là effrénée à les ventes. Moi, je pense qu'il y a des artistes qui démarrent et puis ça a souvent été comme ça, où au départ, je suis pas sûr que le premier album de Souchon ait fait 1 million, hein, avant de faire Foot Sentimental. Bon, Bachung, un exemple. Gainsbourg, il a vendu sa meilleure vente, c'est son dernier album, c'est Year Under Arrest. Avant, ça vendait 50, 60 000. Bon, il faisait des petites pointes à 100, 150 000, mais c'était une époque où on vendait 1 million et 2 millions. Bon, ben, on a pris du temps, je ne crois pas à ça, c'est théorique. Et tu crois que c'est la faute des actionnaires, c'est la faute du public, c'est un peu tout, c'est factoriel. Hein. C'est la faute de la technologie. Mais ça n'engage que moi, c'est la faute de... Vous savez, il y a un passage de la Bible, attention, hein, je ne suis pas religieux ni rien, hein, mais il y a un passage de la Bible qui est le veau d'or. Bon, quand Moïse va chercher les tables de la loi, le peuple devient fou, ils s'emmerdent, ils n'en peuvent plus, ils prennent tout leur or, et puis ils fabriquent un veau en or et ils dansent, et voilà. C'est le dieu argent. Bon, moi je pense qu'on est dans une société, notre société capitaliste, elle est un peu à bout de souffle, et que la seule problématique des mômes aujourd'hui, c'est comment je gagne de l'argent. La seule problématique des actionnaires, c'est comment je fais de l'argent. La seule problématique de tout le monde, c'est l'argent. Tout de suite, d'aller vite. Voilà. Donc il faut être rentable. Il faut que ça marche tout de suite. Il faut. Et moi, c'était une question que je me posais. Je disais, mais tout ce pognon qu'on fait gagner, là, il remonte, ok, il va au siège. Mais le siège, il en fait quoi après? Il devient quoi, cet argent? Pourquoi il en faut autant? Pourquoi on ne peut pas laisser? Alors, on m'expliquait que c'était pas vrai, qu'on avait fait des études, que 90% des artistes dont le premier album n'avait pas marché ne marchaient jamais. Ce à quoi je répondais, mais faites gaffe, parce que peut-être que dans les 10%, il y a Jacques Brel, ou il y a Nougaro, ou il y a, Michael Jackson. Parce que c'est très très dur de trouver des artistes et des vedettes et des stars. Donc, c'est notre système qui est beaucoup trop maintenant cadenassé par des intérêts financiers, et que comme la musique a été prise en otage, et je comprends, moi je suis à la place de monsieur Bolloré, j'ai acheté des boîtes, je veux qu'elles marchent. Je suis pas en train de dire qu'il a tort, je suis en train juste de dire que il faut qu'il y ait un équilibre entre des boîtes comme ça qui doivent délivrer. Donc t'as des artistes qui font 80 titres parce qu'ils vont faire deux albums dans la même année, ils vont te balancer 80 titres, ça va, bon, ok, très bien. Et puis le travail artisanal où tu prends du temps, etc. Moi je fais du développement, je tire la langue, c'est pas facile tous les jours. Pour l'instant, j'en ai pas mis une dedans depuis un peu peu de temps, mais j'ai re-signé là récemment, donc j'ai baigné. Donc aujourd'hui, Valérie Zetoun, tu produis de la musique. Je produis des mots, mais voilà, j'ai Benny qui est sorti là, ça commence à décoller à Montréal et je suis ravi, il va faire les Franco de Montréal, c'est super. Il a un vrai univers, il a beaucoup d'humour. Il fait des vrais sons, il a une vraie approche de son métier. En plus, il est vraiment humainement remarquable. Après, on a signé la petite Jeanne dont je vous ai parlé tout à l'heure, pareil, dans un genre complètement différent. Alors elle, c'est plus, on est plus sur, Télérama, machin, enfin le truc classique, chanson française, entre Armanet et tout ce qui se fait aujourd'hui. Moi, j'adore cette mouvance là. Et moi qui suis fan de Sanson, inutile de vous dire que Armanet, j'ai adoré. Bon, après, je peux avoir des réserves sur les manières dont les disques sont produits, etc. Mais en tout cas, ces nouveaux artistes là qui arrivent sur le marché, je les trouve super. La petite Angèle, c'est frais, c'est je veux dire, ça amène quelque chose, c'est bon. Bon, c'est ce rythme là que c'est long, c'est dur, tu vois. Ouais, mais moi, j'ai personne derrière moi, j'ai pas de groupe, j'ai personne. Donc on développe avec nos couteaux suisses, avec Bart et puis avec et vos beats. Voilà, ça arrive aussi. Donc voilà, il faut avoir de la patience, il faut tenir, mais je suis persuadé que on est sur le bon chemin. Tu te sens bien avec cette démarche là aussi? Je me sens bien. Après, je te dis pas que je me sens bien tous les jours dans le métier, parce que il y a des choses. Oui, quand t'as ton banquier, bon bah là tu te sens un peu moins bien. Non, mais c'est même pas ça. C'est par exemple, j'ai appris récemment qu'il y avait des producteurs qui achetaient des faux streams aux artistes concurrents pour les mettre dans la merde, pour qu'ils se fassent dégager de Spotify et de Deezer. Ouais. Non, mais quand une industrie en arrive à faire des trucs pareils, tu dis il y a un vrai problème, les gars, faut se calmer. C'est de la musique, c'est des artistes, il y a de la place pour tout le monde, il faut bosser. Et puis c'est pas en faisant des choses négatives aux copains d'en face que tu y arrives. J'y crois pas, moi, non. Ça. Moi, le mal amène le mal. Il y a un mec, quand j'ai démarré le métier, il y a un mec qui m'a dit, tu sais, rentrer dans ce métier, c'est facile. Le plus difficile, c'est de durer. Voilà. Et moi, mine de rien, je suis rentré dans ce métier en 88, donc vous faites le calcul. Non. Hein, non. Ça commence à faire un petit bout de temps que j'y suis. Alors peut-être que je continue aussi à y être, parce que voilà, j'ai des valeurs aussi. 97, 98. On va le débrancher, je crois, parce que là, on est resté trop longtemps. Là, c'est assez... On l'a perdu. On l'a perdu. Ah, Arthur, là, on l'a perdu. Donc la production musicale, c'est ton truc, et tu continues. Production musicale. Et puis je développe aussi beaucoup de relations avec le Canada, parce que j'aime l'Amérique du Nord, parce que j'aime Montréal, parce que j'aime Toronto. Donc voilà, j'ai des projets aussi, peut-être de m'occuper d'artistes de là-bas. On fait du management, on fait tout ce qui a trait aux artistes, et pourquoi pas aussi à la com de boîte, etc. On peut aussi faire des choses comme ça. Et imaginons un projet comme Les Vieilles Canailles, ça s'arrêtera, il n'y en aura plus du tout. Ou est-ce qu'une vieille canaille pour en remplacer une autre? Bah écoute, il y aurait pu y avoir Christophe Bachung, c'était une super idée. Maintenant, elle ne pourra plus jamais se faire, mais c'était ce genre d'idée-là. Ouais. Moi, s'il y avait eu autre chose, je voulais partir, mais dans un autre créneau que celui de Jacques, Eddie et Johnny. Allez, tu vois, bon... Voilà, il y a des artistes qui sont très complémentaires, qui auraient pu le faire. Bon, maintenant, après, je sais pas si c'est, mais tu vois, tu parlais de Jonas, par exemple. Moi, Jonas Sanson, c'est quelque chose que je verrais très bien sur scène. Pourquoi pas avec un Scheller, parce que tu as Jonas qui tire vers le jazz et Scheller qui tire vers le classique et Sanson qui est au milieu. Ça pourrait, voilà. Donc, alors, Sanson et Scheller, artistiquement, sont assez jumeaux. Il y a des tu sais qu'il y a des titres de Scheller qui seraient formidablement interprétés par Sanson et vice versa. Et quant à Jonas, bon, pour moi, on l'a pas mis là parce qu'on a mis peu de titres et qu'on a beaucoup parlé et qu'on avait beaucoup de choses à se dire. Mais Jonas, pour moi, c'est voilà, il est du niveau. On parlait du calife, de rock californien. Pour moi, Jonas, c'est un mec qui quand est tu vas dans chercher des Abraham Laboriel, des Steve Gadd à la batterie, mais le groove, baby groove, mais on joue dans l'émission, c'est un titre californien. Mais c'est un titre californien pour moi. On l'a joué combien de fois? Je l'ai fait chier, Philippe Thorne. Oui. Tiens, on va jouer du Jonas. T'es sûr? Et bah, donc, oui, je suis sûr. Donc, clairement, y aurait d'autres choses à faire. Mais si tu veux, moi, je suis resté d'abord sur cette expérience-là. Et puis, le métier en France, il n'est pas comme les Américains qui ont, ou les Anglo-Saxons qui ont l'habitude de faire des trucs comme ça. Ouais, tu as l'impression qu'on derrière, on va te taxer. Voilà, et qu'on va te dire, et puis t'es toi-même producteur, donc tu vas aller approcher des artistes qui ont des producteurs qui vont dire mais pourquoi j'ai pas besoin de lui, alors qu'il y a un vrai savoir-faire. Oui. Moi je peux vous dire que les vieilles canailles, on a fait le découpage avec Anthony Souchet qui était avec moi dans cette Anthony il a été sur cette opération là il était directeur artistique et puis après il a été sur le spectacle musical que j'ai produit il y a 2 ans en été 44, il était co-scénariste avec moi et puis metteur en scène. D'accord. Bon et aujourd'hui il bosse, il retravaille je crois avec Mylène Farmer sur les prochains concerts de Mylène, mais Anthony et moi on était enfermés chez moi, je me souviens, et puis on faisait on mettait les post-it, je travaille avec des post-it moi que je colle sur mes fenêtres, titre 1, titre 2 pour avoir une vraie, avec des couleurs différentes, donc le jaune c'était Johnny, le vert c'était Eddie, etc. Et on a fait pour tout le découpage, la structure. D'abord le choix des titres, ensuite la structure, ensuite qui commence, qui est au milieu, qui est à la fin. C'est une responsabilité parce que tu présentes ça à des artistes qui ont 50 ans de carrière, donc si t'as fait de la merde, ils te la jettent à la gueule. On te lâche à la gueule. Ils prennent pas de passade. Non, le seul truc que j'avais fait au départ, j'avais mis trop de trios, donc on a enlevé des trios et on a rajouté des titres solo parce que à un moment donné, c'était bien que chaque fan ait au moins 2 ou 3 titres solo de leur artiste. Et ça permettait aux deux autres d'aller fumer, faire une pause. Donc c'était la seule erreur qu'on avait fait au départ. Bon, et puis moi, dans la version 1, j'avais mis qu'on démarrait sur Noir c'est Noir. Et puis après, je réfléchis et je me dis non, c'est mieux les Playboy. Sauf que c'était trop tard, j'avais donné les feuilles aux artistes et on avait démarré les répètes. Et là, je me dis, mais merde, non, parce que l'esprit rate pas, c'est plus sur une déconne. Or, c'était mieux de démarrer. Donc, on rappelle, Rat Pack, c'est Sinatra, Dean Martin et Sammy Davis. C'est né aux États-Unis, c'est l'appellation qu'on donnait à ses concerts, ses concerts avec exactement, des gros avec artistes. Plusieurs stars qui sont amis sur le même plateau et qui racontent des conneries. Donc, c'était le but, c'était les vieilles cannes. Et donc, je me dis, merde, j'étais con, parce que c'est quand même beaucoup plus drôle qu'ils rentrent sur les. Bon, ça a été un pataquès pour faire changer. Ouais. Quand j'ai voulu changer, Eddie m'a regardé, il m'a dit, dis-moi, c'est toi qui vas sur scène, toi? C'est très bien, Noir c'est Noir, ça met la patate à tout le monde et tout. Ça m'a pris 3 jours à faire changer, de faire passer la deuxième chanson à la place de la première. 3 jours. Mmh. Et 25 mecs à convaincre. Donc, je veux dire que ça a été un vrai taf, quoi. C'était passionnant à faire. Ah, mais grave. C'était une performance. Mais c'est pas que j'ai kiffé. Je vous le dis honnêtement. C'est un des plus beaux moments de ma vie professionnelle, si ce n'est le plus beau, ce truc-là. Mais clairement, c'est même au-dessus des artistes que j'ai pu signer, tu vois. Parce que ça restera, en tout cas, dans les annales. Et moi, je suis très fier de l'avoir fait parce que je l'ai fait avec mes tripes, je l'ai fait avec mes couilles, mais je l'ai surtout fait avec amour. Mmh. Voilà. Et puis tu l'as bien fait en plus. Écoute, ça c'est à l'histoire d'en juger. Non. L'histoire elle est faite là. Alors l'émission évidemment elle a avancé, on arrive. Il reste encore 12 heures non à peu près. Alors. Il y a un moment donné, tu nous as dit, t'as rien à faire après, mais bon, il faut bien que cette émission se termine à un moment donné. Et on t'a dit, le dernier morceau, c'est ça, mais on va peut-être passer un morceau là, parce que franchement, et là on arrive à un moment donné, donc c'est pratiquement le dernier morceau, mais c'est pas le dernier morceau. Et on arrive à c'est quoi, une série, c'est ça, hein, El Chapo, ouais, c'est une série sur le plus grand bandit ever. Il est même pire et plus riche et pire que le Colombien, tu vois. Comment il s'appelait? Fidel Castro, le voyou, le cocaïne qui trafiquait la coke en Colombie. Alors Medellín. Mais dans le quartier de Medellín. Oui, le cartel de Medellín. Mais, hein, Pablo Escobar. Pablo Escobar. Voilà. Ah, il nous a laissé galérer. Ah, vous avez galéré. Tout à l'heure, j'ai galéré. Bah là, vous avez galéré. Oui, donc il est pire. Mais en fait, l'avantage de Netflix. C'est, là j'ai vu un truc qui m'a passablement énervé. Cannes célèbre tout sauf les musiques de films. Alors que si vous enlevez la musique d'un film, il n'y a plus de film. Bah, bon, donc on donne des palmes d'or à tout le monde, sauf aux créateurs de musique. Et je trouve ça totalement anormal. Tu peux appeler Lescure. Non, mais oui, moi je peux. Parce que je peux. Pierrot, parce que on peut pas l'appeler là. Il a été sympa avec moi quand j'ai fait ET44. Il a eu des mots assez tabous, phénoménaux, mais c'est pas le problème. Bien sûr qu'il faut faire du lobbying, et ça c'est le travail du monde de la musique, et d'ailleurs quelque part en vous disant ça à votre micro, je commence à en faire. Bon, donc Cannes célèbre ça. Netflix, les séries, elles sont pas que bonnes. Ils ont aussi maintenant une exigence sur les génériques qui est fantastique. Et moi, j'ai découvert une artiste que je ne connaissais pas. Casa del Papé, pour faire un parallèle, la musique. Voilà. Et d'ailleurs, la reprise de Bella Ciao, ça me fait marrer. Il y a des gamins qui me disent « Ah, Bella Ciao, c'est un nouveau titre. Ouais, » Et il existe depuis 1919. Mais enfin, chant révolutionnaire. Pas ouais. Bon, allez, les gars. Mais merci Netflix, parce qu'au moins, ils connaissent. Et là, j'ai découvert, honnêtement, je ne connaissais pas Illé, qui est la jeune fille qui est une star. Elle est du Costa Rica, c'est une star en Amérique du Sud, et effectivement ce titre là c'est tout ce que j'aime dans la prod moderne et la musique moderne, enfin de ce qui est sorti récemment. Voilà, ce titre il m'obsède un peu. Allez-y. Vamos. Hola, ¿qué tal? La musique est de El Chapeau dans le Radio Club. C'est Vienne à Verme. Ouais. Et la chanteuse viens s'appelle. Viens me voir. Ouais. Et la chanteuse s'appelle Ile. I-L-E. Ouais, j'ai fait espagnol en deuxième langue. Non, t'es bien, bravo. J'adore les langues espagnoles. J'ai adoré. Hein? J'ai adoré. Ouais, non, la chanson est très très belle. Très très belle. Bon, il y a un moment donné, ça fait chier quoi. Tu vois, ça fait chier parce que cette émission. Elle passe trop vite. Hein. Elle passe trop vite et elle est obligée de s'arrêter. On va lui demander une extende au CSA. On va lui donner une carte de membre permanent pour revenir quand il veut. Dans les clubs privés, il y a 25 c'est ça, voilà. Oui, la carte. T'as la carte du Vous savez comment elle a été créée, la carte? Non. Ben, je vais vous le raconter. Castel, 79, la boîte brûle. Et Jean Castel n'a pas d'assurance. Et son meilleur ami, qui est le comte d'Arkang, qui a un château à Arkang dans le sud-ouest, à côté de Biarritz, lui donne cette idée. Il lui dit, mais attends, on n'a pas d'assurance, on n'a rien à foutre. T'as au moins 400 clients et copains qui ont du pognon. Ben, on va créer la carte de chez Castel et on va la vendre. Et puis, comme ça, ils deviennent membres. Et puis on va reconstruire la boîte. Ça a tellement bien marché qu'ils ont reconstruit la boîte et qu'ils ont même ouvert un autre restaurant. Et ils ont créé le concept de carte de membre à cause de ça. Incroyable, belle histoire. Voilà. Ça y est. On termine sur une belle histoire quand même. Magnifique. Les mecs qui payent pour reconstruire une boîte, un resto. Est-ce que nous, on pourrait pas faire une carte pour reconstruire et pour construire le Radio Club? Ce serait pas mal ça. Pour reconstruire. Ouais, en construction. Ouais, mais il est en construction, donc. Après, c'est une question de. On va demander aux invités de venir et de payer une carte de membre de 2500 balles. Ouais. C'est pas mal comme idée, non? Sur le modèle économique. Oh, je suis content. Ça démarre au 21e, un peu. Bravo, justement, j'allais poser la question. C'est donc le prochain. Mais le prochain. De toute façon, c'est le futur. Ah, juin, c'est en juin, c'est très bien. Juin, c'est l'été, c'est parfait. Voilà. C'est très bien. Putain, dès qu'on veut un invité, tout le monde raccroche. Ouais. Non, le numéro que vous demandez n'est plus attribué. Veuillez composer. On vient plus dans le Radio Club. Non, mais en plus, c'est le futur du business. Il passe aussi par le comment on appelle ça, le sponsoring, je me démerde tout seul avec ce que je dis, d'accord, ok. Mais c'est ça, le sponsoring, voilà. Bon, ben voilà, je crois que Valérie Zetoun, ça passe trop vite. Bah écoutez, oui, moi j'ai pris beaucoup de plaisir, j'ai toujours aimé la radio, et puis voilà, il se trouve que j'ai démarré à la radio, ça n'a pas continué, mais c'est vrai que j'adore, c'est pas pareil que la télé, c'est détente, c'est bien, et puis surtout, merci à vous, parce qu'on on prend le temps d'écouter les choses, on prend le temps de les dire, on prend le temps de les comprendre, et voilà, alors peut-être que parfois c'est un peu trop bavard, mais moi j'aime bien raconter mes petites histoires et puis surtout faire rappeler tout ce qu'étaient ces artistes, c'est très important pour moi parce que ça fait partie de notre patrimoine et que c'est hyper important le patrimoine, même pour les gamins. Exactement. Le principe de cette émission, c'est l'invité vient avec sa pile de disques avec lesquels il partirait sur une île déserte et les histoires qui vont avec. Voilà. Donc on a tout. C'est ça. Enfin, moi, je parle l'île déserte, je pars avec les disques, les histoires, mais j'emmène ma femme quand même, parce que j'ai pas envie de me faire chier. C'est ça. Hein? Et un peu de. Et je m'amuse bien avec ma femme, donc c'est un cool. Un peu de rhum, un peu de. Ah ouais, bon, bah ça c'est. Quelques potes, un peu de barbecue, des trucs comme ça. Quelques amandes. Ah oui, obligatoire. Quelques olives. Attention, barbecue, c'est fini ça. Quelques olives aussi. Il faut de la plancha, hein, parce que barbecue. Plancha, c'est fini. Et puis c'est pas bon pour les cuissons. C'est pas bon pour la santé en plus. Non, mais même les cuissons, c'est dégueulasse. Non, c'est barbecue. Pas bon, c'est impossible. Exactement. Une plancha. La plancha. Ça dépend le bois. Ouais. Non, voilà. Moi, je fais du barbecue avec du bois de 60 ans. Ouais. Je peux te dire que ça n'a pas le même goût. Ah oui, bon. Ouais. Bon. Plancha. Non, mais du vrai bois, des fagots, tout ça. Ouais. Bon. Bref. Bref. Merci beaucoup, Valérie. C'est moi qui vous remercie. Un énorme merci, un énorme cœur. Un chambre de bonne. Voilà. Merci d'être venu jusqu'à nous dans la chambre de bonne. Quoi qu'il arrive, dans cette émission, je crois qu'on peut prendre cet engagement, Philippe Thorne, t'es d'accord avec moi. Quoi qu'il arrive dans cette émission, on la fera ici et pas ailleurs. Exactement, c'est bien. Non, pas de rue Bayard, pas de rue François 1er. Non, de toute façon, il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne, donc comme ça. Mais on s'en fout, on la fera tout. Bureau ici. À louer. Voilà. Et bah ouais, merci d'être venu dans c'est le moi. Radio Club. Ouais, super, merci. Il n'y a pas grand-chose à dire de et plus. Vivement le podcast. Et vivement le podcast. Il sera en ligne dans. Oh, bah on va faire au plus vite. Hein, on va faire au plus vite. Rapidement, pas. À partir de demain. On espère, on espère. Il faut que je rentre et que... Et puis tu te mettes un peu... Que je m'y mette, voilà. Je vais essayer de prendre une douche avant parce que... Bon, merci Valérie Zetoun, bon courage, moi. Merde pour la suite, évidemment. Plein de bonnes choses. Les productions, les artistes, bah, on sent que tu, ta vie c'est ça, quoi. Mais vive la musique. Bah oui. Et vive la musique. Le dernier morceau, c'est et toi les gens qui vont avec. Ben, le dernier, c'est un résumé un peu de tout ce qu'on s'est dit, parce que j'aime des musiques différentes... Et que voilà, on n'a pas pu parler de toutes les musiques que j'aime, et il n'y avait pas eu la pop, il n'y a pas eu plein de choses. Mais bon, ce dernier titre, d'abord, c'est le rap des années 90 que j'adore. C'est 95, c'est Notorious B.I.G. Et puis, c'est un DJ qui s'appelle Danger Mook qui a fait ce montage-là entre Notorious Big et Sinatra. Alors, on ne reconnaît pas bien Sinatra parce que le titre est Varis Pidé, mais il y avait une logique, on a démarré par Sinatra et puis je voulais qu'on finisse par Sinatra, et vraiment un clin d'œil à Notorious B.I.G. parce que c'est un rappeur qui a un flow que j'adore, quoi, voilà. Merci Valérie Zetoun, merci Philippe Thorne. Merci Arthur Legge. Et ben nous on se dit à bientôt. Bah très vite. Ouais, le Radio Club va revenir, on sait pas avec qui encore. Ça risque d'être largement différent, mais ça risque d'être rigolo aussi. Mais on peut pas en dire plus pour l'instant. Bah, y a tellement de gens qui nous ont plantés que si tu veux... Ouais. Mais on espère bien. On peut pas le dire, putain, j'aimerais bien, mais... Et tu reviens quand tu veux. Merci. Ouais. La porte est ouverte. Tu as la carte du monde. Voilà. Merci Valérie Zetoun. Prenez bien soin de votre liberté et de celle toi des aussi. Autres. Bah oui. À bientôt Philippe Thorne. À très vite. Je t'embrasse, poteau. Moi aussi. Merci Valérie. How it feel to wake up, fucked up. Pockets broke as hell, another rock to sell. People look at you like you's the user, selling drugs to all the losers, mad Buddha abuser. But they don't know about your stress-filled day. Baby on the way, mad bills to pay. That's why you drink Tangeray, so you can reminisce and wish you wasn't living so devilish. Shit, I remember I was just like you, smoking blunts with my crew, flipping old 62s. Cause GED wasn't B-I-G, I had to get P-A-D. That's why my mom paid me. She was forced to kick me out, no doubt. Then I figured out, mix went for 20 down south. Packed up my tools for my raw power move. Glock 19 for casket and flower moves. But Trump's trying to stop my flow, and what they don't know will show on the autopsy. Went to see Poppy to cop me a brick. Asked for the consignment, he wasn't trying to hear it. Smoking mad Newports cause I'm doing court for an assault that I caught in Bridgeport, New York. Catch me if you can, like the gingerbread man. You better have your gat in hand, cause man, a day in the life of a fool. A day in the life of a fool. I had the master plan, I'm in the caravan on my way to Maryland with my man 2Tex to take over this project. They call him 2Tex, he told 2Tex. And when he start the bus, he like to ask who's next. I got my honey on the Amtrak with the crack in the crack of her ass. 2 pounds of hash in the stash. I wait for hun to make some quick pass. I told her she could be lieutenant, bitch got gas. At last, I'm literally lounging black, sitting back, counting double digit thousand stacks. Had to re-up to see what's up with my peeps. Toyota dealer gone, had it cheap on the Jeep. See who got smoked, what rumors were spread. Last I heard I was dead, was fixed to the head. Then I got the phone call, it couldn't hit me harder. We got infiltrated, 90 at the Carter. Heard Tech got murdered in the town I never heard of. By some bitch named Alberta over nickel plated burners. And my bitch, swear to God she won't snitch. I told her when she hit the bricks I make the hooker rich. Conspiracy, she'll be home in three. Until then I looks out for the whole family. A true G, that's me blowing like a bubble in the everyday struggle. A day in the life of a fool. I don't wanna live no more. Sometimes I hear death knocking at my front door. A day in the life of a fool. I don't wanna live no more. Sometimes I hear death knocking at my front door. A sad and a long, lonely day. I walk the avenue and hope I'll run into the welcome sight of you coming my way. The Radio Club. Philip Thorne. Yeah, yeah, yeah. Atua Leg. Yeah, yeah, yeah. TheRadioClub.com.